Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Marc Dany viendra nous dire des choses qui pourraient potentiellement avoir du sens si on y pense. Et je parlerai en bien de notre ville, c'est-à-dire Trois-Rivières, d'Antania is gonna entertain us. Ah, wow! Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Assemblage requis en ce lundi 26 mars 2018. On est à 32 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin, on est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières. Ah, vive l'odeur du crottin le matin. Ah oui? Tu trouves pas? Non, pas du tout. Non, moi, en m'en venant à pied, ça sentait vraiment le caca de chien. Ah ouais? Ah, j'ai pas senti, je suis désolée. Ça a fondu un petit peu. Hein. Oui. Est-ce que t'as un problème à la voix? Ben, pas vraiment. J'ai le problème qui est juste jamais parti depuis la semaine dernière. Ouais, exactement. Je trouvais que ça allait bien la semaine passée quand même. Oui, la semaine dernière, ça a quand même bien été, mais bon, manque de sommeil équivaut aussi trouble de la voix. Voilà. Mm-hmm, grosse fête de semaine, toi. Ben, pas si pire. Non, pas si pire. Non? Non, ok. Ah, moi, c'est quand même pas si pire aussi. Hein? Fête de semaine large et longue. Oui, mais clairement. Quand même. Ouais, ouais. Bref, aujourd'hui, à l'émission, Marc Gagné devrait être avec nous pour faire sa petite chronique hebdomadaire qu'on sait pas trop où est-ce qu'il s'envole. Il sort des thèmes qui n'ont pas vraiment de rapport. Mais on aime ça. Ben oui. C'est avec lui à 8h, Marc Gagné. C'est pas mal le seul qu'on a aujourd'hui. Si tout va bien, on devrait l'avoir. Autour de ça, tu vas nous faire ta chronique Tania Esgolin-Turigna. J'en vois deux chroniques qui s'en viennent aujourd'hui. Ouais. De quoi tu nous parles? Bien, aujourd'hui, je vais vous parler de la ville de Trois-Rivières, comme je l'ai dit dans l'introduction de l'émission. C'est-à-dire que je vais vous parler de notre ville, mais aussi des citoyens. Ah. Donc, restez à l'affût. Peut-être est-ce que vous allez vous retrouver à l'intérieur de tout ça. Les concitoyens. Oui, exactement. Puis, j'ai aussi parlé des entreprises et la nouvelle génération. Donc, ce beau petit mélange-là, là, pour ne pas les appeler les milléniaux, parce qu'on est tanné de les appeler comme ça. De nous appeler nous-mêmes comme ça. Oui, exactement. Donc, on va faire une discussion là-dessus un peu. Génial. C'est dans Tania Esgolin, je t'ai plus tard. On a aussi des chroniques maison de ma part. On va faire après le crime en fin d'émission, parce que des fois, c'est hardcore, tout ça. On va débuter avec son foutu palmarès, par contre. Et aujourd'hui, on va parler de confort. Oh! De confort, de choses douces, de choses à flatter. Ah. Mais avant ça, on va se planter un clou dans le pied. Ah ouais? Ah oui, grâce à notre ami Simon Lagagnère. À Assemblage Requis. Fais payer la note et maintenant prenne une pause fière quand tu te prostitues de la sorte. Or cette soif qui te donne une clé de bras tout comme les plaisirs que tu te siffles. On fait de toi Tom le curieux, on fait de toi James the Freak. Yeah. Rivière avec sa pièce Se planter un clou dans le pied sur l'album Samedi soir de semaine à Assemblage Requier. C'est plus ou moins confortable se planter un clou dans le pied. Mais par contre, des petits chiens, ça c'est cute puis c'est confortable. Voici son foutu palmarès. Ça, c'est la chronique qu'on établit sur un sujet plus ou moins précis. Et aujourd'hui, on est lundi, on a besoin de trucs confortables. On aimerait ça se mettre, se primer un petit peu. J'aurais aimé ça venir en pyjama ce matin. Ah, j'aurais aimé ça pas venir. Aussi. Ah, on vous aime, chers auditeurs. On vous adore. Sachez que tu sais, lundi pour vous autres, mettons, où vous devez genre entrer au bureau, mais faire semblant de travailler. C'est ça. Nous autres, faut qu'on soit à on un peu ce matin. Oui. C'est difficile. C'est assez difficile quand on même. On n'est pas notre meilleur. Oui, non, c'est ça. Hein, on s'entend. Bref, tout le monde aime les chiots. On aime les chiots. Ben oui. Ben oui, c'est ce qui a bien prouvé, en fait, que ça fait fondre le cœur. Je préfère les petits chiots aux petits chats. Ouais, je sais, je te comprends pas. Ça marche pas pantoute, nous deux, là-dessus. Non. Bref, c'est plus que des petits chiots. Les chiots, en fait, ils ont plein de petits faits intéressants à savoir. Tout ça en honneur de la journée nationale des chiots qui avait lieu récemment. Vous avez certainement entendu parler de ça, là, c'est dans les derniers jours. Bref, quelques petits faits sur les chiots. Pour commencer, le mot anglophone, anglais, puppy, P-P-P-Y, qui est le mot qu'on utilise pour chiot, a des racines françaises. Savais-tu ça? Non, je savais pas ouais. ça. Ouais, les étymologistes, étymologues, peu importe, disent que puppy vient du mot poupée. Oui, le mot qui est en français, qui veut dire une poupée. Là. Hein? Ouais, le mot puppy n'est pas arrivé dans la langue anglophone avant la fin du 16e siècle. Et avant ça, les gens qui parlaient anglais appelaient les bébés chiens des whelps. Dans King John de William Shakespeare, notre ami Billy Shakes, qui aurait apparemment écrit ça dans les années 50, c'est une des premières fois qu'on a utilisé le mot, le terme puppy dog pour appeler un chiot. Intéressant. Les petits chiots. Hein, ont évolué sont à la base, lorsqu'ils naissent, aveugles et sourds. Oh. Ouais, les petits chiots sont aveugles et sourds à la naissance. Le premier jour, leurs yeux sont complètement bouchés, fermés, et leur canal auditif est fermé. Ça fait partie de l'évolution, en fait, étant donné que la grossesse peut nuire à l'habileté des carnivores de chasser leur nourriture. Les chiens ont évolué pour avoir une courte période de gestation. Donc, une brève grossesse veut dire que les mères canines, chiennes, n'auront pas à prendre une très, très longue pause de la chasse. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que les embryons de chiens passent tellement de temps dans le ventre de leur mère, environ 2 mois, que les chiots naissent pas complètement développés. Oui. Même chose pour leurs yeux, pour leurs oreilles. C'est fascinant, je trouve. Les chiots ont des bébés dedans. Oui. Des bébés dedans. Comme plusieurs mammifères nouveau-nés, les petits chiens naissent complètement sans dents. À l'âge de 2 à 4 semaines, les 28 dents de bébé du chiot vont commencer à sortir et vers les 12 à 16 semaines, ces dents-là vont tomber, comme ça, rapidement de même. Au moment où ils ont 6 mois, ils devraient avoir 42 dents de chien adulte. Ben voyons. Wow. Vous n'allez pas être surpris là-dedans, je pense que c'est la même chose pour les chats aussi. Les chiots prennent beaucoup de siestes. Ah ben oui, clairement. Ouais. Comme les enfants, les chiots ont besoin de beaucoup de sommeil, entre 15 et 20 heures par jour. L'American Kennel Club conseille aux nouveaux propriétaires de nouveaux chiens de résister à la tentation de les déranger pendant qu'ils dorment, parce que le sommeil, oui, est critique pour le cerveau en développement des jeunes canins, ainsi que leurs muscles et leur système immunitaire. Les propriétaires de chiots devraient aussi établir un espace de sommeil désigné pour leurs chiots pour qu'ils puissent dormir sans être dérangés. C'est cute. Ben oui. C'est tellement cute. Certaines sortes de chiens sont nés par césarienne. Hein? Ouais, des chiens peu race peuvent avoir des proportions corporelles extrêmes. Ce qui fait que c'est pas toujours facile de les faire naître. Ceux qui ont de très très grosses têtes ont plus de chances d'être nés par césarienne que ceux qui ont de plus petits crânes. Un sondage de 2010 chez 22 005 famille de chiens au Royaume-Uni nous apprenait que les terriers, les bulldogs et les bulldogs français ont eu des naissances par césarienne plus de 80% du temps. Les autres qui ont un bon taux de césarienne, je connais pas les noms en français des chiens, vous allez m'excuser, mais les Scottish Terriers, les Miniature Bull Terriers, les Dandy Dinmont Terriers, souvent des terriers, je pense, hein, c'est pas mal ça, et d'autres, quand même, selon l'étude, qui naissent par césarienne majoritairement, ou en tout cas en grande partie. Ensuite, certaines sortes de chiens ont plus d'enfants que d'autres. Règle en général, les petites races de chiens ont tendance à avoir moins d'enfants, alors que les plus gros chiens donnent naissance à plus de chiens. Oui. On se comprend. La plus grande famille de chiens portée, qu'on appelle, est née d'un mastiff napolitain qui a donné naissance par césarienne à un ensemble de 24 chiots à Cambridgeshire, au Royaume-Uni, en 2004. Dans de rares cas, de petits chiens donnent naissance à de grandes familles quand même. En 2011, un chihuahua qui vivait dans la ville anglaise de Carlisle a donné naissance à 10 chiots, ce qui est deux fois plus qu'on s'attend de la part de ces chiens-là. Chacun pesait moins de 2,5 onces. C'est pas beaucoup. Non. Certains petits chiots naissent verts. Hein? Ouais, des fois, un chien peut naître vert. Ça arrive. C'est arrivé à deux occasions en 2017, en fait. Les chiens britanniques ont passé aux nouvelles pour avoir donné naissance à des chiens verts. C'était en janvier. Un labrador chocolat de 2 ans à Lancashire, au Royaume-Uni, a donné naissance à plusieurs enfants, plusieurs chiots, dont un chiot vert. Ses propriétaires l'ont nommé Fifi en l'honneur de Fiona, l'ogre dans Shrek. Ah, c'est cute. Quelques mois plus tard, un Golden Retriever dans les Scottish Highlands a aussi donné naissance à un chien avec une fourrure verte. On l'a nommé Forest. Et comment est-ce qu'ils sont nés comme ça? Mais dans certains cas, la fourrure d'un chiot avec les poils très très pâles peuvent se faire tacher par du biliverdin. C'est un pigment vert qu'on retrouve dans le placenta des chiens, mais c'est pas permanent. Le vert finit par disparaître après quelques semaines. C'est bizarre, mais en même temps tellement cute. Les chiots ne trouvent pas votre bâillement contagieux. Ah. Contrairement à la toux de Tania, c'est pas ben ça que oui, un chien ferait. Mais non, les chiots ne trouvent pas votre bâillement contagieux. T'as déjà remarqué, j'imagine, quand quelqu'un baille, que les autres vont bâiller autour, c'est contagieux. Hein? Ouais, quand même, assez. C'est un signe d'empathie, ça affecte les humains, les babouins, les chimpanzés, oui, les chiens. Oui. Ouais, c'est ça. C'est que les chiots, eux, trouvent pas ça contagieux. C'est les plus vieux qui le trouvent contagieux, on se comprend. Bref, c'est ça. C'est une étude dans Animal Cognition qui suggère que les jeunes canins ne sont pas susceptibles à attraper votre bâillement à partir de la naissance. Dans une étude de 2012, les chercheurs suédois ont pris un groupe de 35 chiens entre 4 et 14 mois. Ils ont surveillé leur petite partie de plaisir, là, leur niaisage entre chiens. Ils ont fait semblant de bâiller devant chaque animal individuellement. Évidemment, oui, c'est ça, c'est le nôtre qui n'est pas contagieux envers eux. Ouais, exactement ça. Mais je sais pas si tu peux vraiment imiter un bâillement. Faut être bon acteur quand même. Mais tu l'imites pas. Non, mais attends, tu fais semblant en fait. Tu fais semblant de bâiller. On parle de l'étude ici. Hein. On parle pas de dans la vraie vie. OK. Dans l'étude, ils ont pris ouais, des ben chiens. Oui, ça se fait très bien. Ça se fait? Ah ouais? Okay. Ben oui. D'accord. Bref, les chiens qui avaient moins de 7 mois n'ont pas réagi, alors que plusieurs vieux chiens, eux, répondaient avec leur propre bâillement. Ce pattern-là miroite un petit peu celui des humains. Les enfants ne prennent pas l'habitude de la contagion, si on veut, de bâiller en même temps que les adultes avant l'âge de 4 ans environ. C'est là qu'ils développent des habiletés sociales comme l'empathie. C'est pour ça que ça arrive à cet âge-là. Les résultats suggèrent que les chiens, eux aussi, pourraient développer de l'empathie à travers leur jeune vie. Les chiots aiment qu'on leur parle bébé. Oui. Ouais. Bref, comme les humains, les chiots finalement finissent par se tanner du baby talk, donc de parler en bébé, selon les études récentes. Dans une étude de 2017, 30 femmes se sont fait demander de regarder des photos différentes de gens et de leurs chiens et de dire cette phrase-là. « Oh, salut, t'es cute! Qui est un gentil garçon? Viens ici, gentil garçon! Bon chien! » Des trucs comme ça. Ouais. À la surprise de personne du tout. Les sujets humains qui parlaient donc un petit peu plus élevé, un petit peu plus aigu en regardant des photos de chiens, particulièrement des photos de chiots. Et après ça, les chercheurs ont joué enregistrement pour 10 chiens adultes et 10 chiens bébés. Et presque tous les bébés ont commencé à japper et à courir vers l'enregistrement de la voix qu'ils entendaient. Pour contraster ça un petit peu, les chiens adultes, eux, ignoraient l'enregistrement complètement de gens qui parlaient comme des fous bébés. les dalmatiens. Oui. Les chiots dalmatiens naissent sans leur picot. sans leur tâche. Oui, c'est vrai. Ouais, adoré par les fans de Disney, hein, les pompiers et d'autres. Les Dalmatiens sont très reconnaissables. En tout cas, les Dalmatiens adultes, parce que pour les chiots, eux, ils naissent blancs et sans aucune tâche. Les tâches commencent à se développer à environ à la 4e semaine. Il y a quelques petits chiots dalmatiens qui naissent avec une ou deux grosses tâches qu'on appelle les patchs. Mais ces marques-là ne sont pas permises dans les spectacles de beauté de chiens. Les competitive show rings. Non, c'est pas des picots de dalmatien, ça. Les tâches. Les chiots savent comment te manipuler avec les yeux. Hein? Tu sais, quand on parle de faire les petits yeux doux, les petits yeux de chiot, les puppy eyes. Ouais. Hein? C'est donc une expression canine, mais faite pas exprès. En fait, c'est délibéré, donc c'est vraiment... l'intention est là. Les chiots et les chiens plus vieux ont appris que lever les sourcils, hein, donc donner des yeux plus gros et plus tristes, fait que ça attire les humains. Selon l'étude de 2017, les chiens ont plus de chances de faire des expressions dramatiques, des expressions faciales, comme les chiots, comme ça, lorsqu'ils savent que les humains regardent. Mm-hmm. Et ça fonctionne très bien. Les études ont montré que les chiens qui sont dans des... qu'on appelle ça des schnolls. Les schnolls? Les schnolls. Ont plus de chances de se faire prendre par les leurs nouveaux propriétaires, peut-être. Ils se font adopter plus rapidement que les chiens qui montrent d'autres comportements, comme se faire aller la queue. Hein? Donc, c'est pas les schnolls, pas la queue. Je veux dire... Tout le monde savait ça, voyons. C'est ça. Ensuite, les chiots peuvent avoir des jumeaux identiques. Ah ouais? Ouais, les scientifiques ne savent pas à quel niveau est-ce que c'est vraiment commun, donc on n'a pas de pourcentage, parce que jusqu'à récemment, personne n'était capable de prouver que les chiens jumeaux existaient. Ok. Fou, hein? En 2016, Kurt de Kramer, vétérinaire de l'Afrique du Sud, a remarqué quelque chose d'inhabituel en performant une césarienne sur une femme chienne irlandaise. Normalement, c'est que chaque chiot a son propre placenta, mais De Kramer a remarqué que deux des sept chiens dans la petite famille, la portée, partageaient un seul placenta. Les tests ont plus tard pu vérifier que les chiots étaient génétiquement identiques. C'est la première fois qu'on pouvait confirmer des chiots identiques dans le monde. C'est clair que quand la chienne donne naissance à plusieurs chiens, un après l'autre, bam, bam, bam, bam, bam, mm-hmm. Comment tu fais pour savoir s'ils sont jumeaux? T'sais, pas parce qu'ils se ressemblent qu'ils sont jumeaux. Hein? Ben non. Ensuite, les scientifiques ont réussi à cloner et à même recloner des chiens. Ah oui? Ouais, en 1996, Dolly, le mouton, est devenu un succès chez le clonage animalier mammifère. 9 ans plus tard, les gens qui s'occupent de la génétique en Corée du Sud ont utilisé le même processus pour créer le premier clone canin. Un Afghan Hound, je sais pas trop ce que c'est en français, qui s'appelle Snoopy. Snoopy est décédé en 2015 à l'âge de 10 ans, quand même respectable, mais son histoire n'est pas terminée. C'est qu'en novembre dernier, donc 2017, les chercheurs ont annoncé que 4 chiots avaient été clonés à partir de ses cellules souches. Tristement, un des chiots est mort quelques jours après sa naissance, mais les autres ont survécu. Il y en a eu 3 qui ont survécu. Les scientifiques espèrent que ces jeunes chiens vont nous montrer comment les animaux clonés peuvent être en santé comparés à leurs frères naturellement nés. Donc, voir la différence de la santé entre les deux. pardonnez-moi. Continuons avec un chiot qui a détruit le script de Of Mice and Men, des souris et des hommes, qui met en vedette, vous avez probablement déjà entendu parler, sinon vu, un des plus grands amoureux de chiens dans la littérature américaine. On parle de Lenny qui aimait beaucoup les chiots et les lapins, et on se rappelle qu'il tue un animal de compagnie à un moment donné dans l'œuvre en le serrant trop fort. Moi, c'est la seule chose que je me rappelle de des souris et des hommes. Hein? Bref, ironiquement, un chiot a déjà mis en jeu l'existence même du roman. Ah ouais? C'était en 1936. Toby, qui était le chien de John Steinbeck, un Irish Setter, qui était dans sa petite phase où il avait mal aux dents, il faisait ses dents, comme on l'appelle. Il a été laissé seul une nuit et il a démoli la moitié du script de son maître pour des souris et des hommes. C'est d'environ 2 mois de travail. Mm. Et Steinbeck n'avait pas de deuxième copie. Hein? Il n'avait pas retranscrit ça. Ah, mon Dieu. C'est là, mon chien a mangé mon devoir. Ouais. Ça se peut. On aurait pu ne pas avoir des souris des hommes. Bref, l'auteur a trouvé ça difficile de rester fâché contre ce chien-là. Il était fâché, mais il était tellement mignon qu'il voulait pas gâcher la relation qu'il avait avec lui. Ensuite, parlons de Keith Richards un petit peu, qui a déjà amené un chien illégalement à travers les douanes britanniques. Alors que les Rolling Stones étaient en tournée aux États-Unis en 1964, un fan a donné au guitariste Keith Richards un collie, un petit chiot nommé Ratbag. Lorsque Richard est revenu au Royaume-Uni, à la place de le mettre en quarantaine, il a amené l'animal à travers les douanes britanniques sous son manteau. Le chien est devenu un des compagnons les plus aimés de Richards. La personne qui a écrit sa biographie plus tard a écrit qu'il avait l'air de s'identifier plus avec Ratbag qu'avec n'importe qui d'autre. Le chiot de Barack Obama a sa propre carte de baseball. Hein? Ben oui, ben non. Beau Obama. Beau Obama. En avril 2009, donc les Obama ont adopté Beau, un Portuguese Water Dog de 6 mois. Cet été-là, la Maison Blanche a sorti une carte de baseball officielle avec plein de faits sur le premier chiot des États-Unis. Oh. Comme un fait qu'il ne peut pas nager. Il n'est pas capable de nager. Ah ouais? Et on peut toujours télécharger la carte en ligne sur le site de la Maison Blanche Obama, c'est obamawhitehouse.archives.org. Ensuite, l'Union soviétique a déjà donné à JFK son propre petit chiot. Oh, c'est bien. C'est tellement chouette. Bref, c'est ça, les chiens voilà, peuvent faire sortir le meilleur des gens, dont les adversaires politiques. Lorsqu'ils étaient assis un à côté de l'autre lors d'un dîner très important à Vienne au début des années 60, la première dame Jackie Kennedy et le premier ministre, la première ministre soviétique Nikita Khrushchev ont commencé à parler de Strelka, qui était un chien célèbre partout dans le monde et qui avait récemment été envoyé en orbite dans le programme spatial soviétique. Après ça, Khrushchev a envoyé au Kennedy un des nouveaux enfants, une des nouvelles nées de Strelka. Le nom du chiot était Pushinka, ce qui veut dire fluffy, donc tout cute et poilu en russe. Vraiment bien. Ensuite, un musée de Boston a engagé un chiot pour aider à trouver des pestes qui défaisaient leurs œuvres d'art. Donc, le Musée des Beaux-Arts de Boston entraînait un Wimmeriner, c'est un petit chiot nommé Riley, pour trouver des pestes qui pouvaient donc gâcher ces beaux chefs-d'œuvre-là. Riley s'est fait enseigner comment sentir ces insectes-là. Donc, c'est des bestioles, des scarabées, des trucs comme ça. Des pestes qui sont vraiment un problème pour ce musée-là. Ce qu'ils ont dit en janvier 2018. Donc, voilà une nouvelle façon de contrer ce problème-là. Et si Riley fait son travail correctement, d'autres musées et d'autres archives qui ont des problèmes d'insectes comme ça pourraient utiliser la même espèce comme défense. Ensuite, allons-y avec IBM et leur système Watson qui juge les chiots de nos jours. Ouais. Ouais, c'est pas tous les chiots qui ont ce qu'il faut pour devenir des chiens guides, bien sûr, mais les chiens guides doivent être en santé, confiants, doivent travailler fort, ils doivent pas être distraits facilement. Et donc, la plupart des chiots, des chiens ne sont pas faits pour ce travail-là. Hein? Chez Guiding Eyes for the Blind, qui est l'équivalent de la MIRA aux États-Unis, c'est une OSBL qui entraîne des chiens guides à New York. Environ 36% des chiens qui sont entraînés réussissent à passer à travers le principe, le système au complet. C'est pour ça qu'on a Watson, le superordinateur de IBM, qui est célèbre pour avoir gagné Jeopardy. IBM a développé un nouveau programme pour Watson qui l'aide à prédire les chiots qui vont avoir peut-être des chances plus que les autres de graduer de ce programme-là, avec des données sur leur tempérament, leur historique médicale et la génétique de ces chiens-là, ainsi que les traits de personnalité de leur entraîneur, ce qui est important aussi, la personne qui s'occupe du chien. L'organisation s'attend à pouvoir améliorer le taux de graduation de 20% avec le pouvoir de Watson. Et pour terminer cette liste sur les chiots, non, c'est pas du tout la fin. On continue. Bref, regardez des chiots, ça peut te rendre plus productif. Ben oui. Les petits, on voit souvent des posters de motivation avec des chiots dessus. Moi, je préfère ceux avec des chats qui s'accrochent sur une corde à linge et qui dit « Hang in there! » Mais pour une expérience en 2012 à l'Hiroshima University sur la productivité, les participants se sont fait demander de regarder des photos de trois catégories, donc de la nourriture qui a l'air délicieuse, des photos d'animaux adultes ou des photos d'animaux bébés comme des petits chiots et des petits chatons. Ensuite, ils se sont fait demander de jouer à un jeu de société qui demandait beaucoup de précision. Les gens qui venaient de voir des chiots et des chatons avaient plus de facilité à se concentrer sur la tâche que ceux qui avaient regardé d'autres types d'images. C'est drôle quand même. Ouais. Ensuite, nos ancêtres de l'âge de pierre prenaient bien soin de leurs chiots. Ben oui. En 1914, les archéologues juste... Toujours la misère avec ça. Archéologiste, archéologue. Archéologue, je pense. Des archéologues. Ouais. En Allemagne, on a découvert donc la mâchoire fossilisée d'un chiot qui avait vécu il y a 14 000 ans. Selon une étude de 2018 sur le spécimen, la mâchoire appartenait probablement à un chiot de 27 ou 28 semaines et un qui était malade. Les dents montraient des signes d'un virus canin, oui. Une maladie mortelle qui n'a toujours pas de cure aujourd'hui, le canine distemper virus. L'analyse des os a suggéré que l'animal a eu cette maladie-là l'âge de 19 ans. C'est quand même assez précis, tout ça. Ouais. Et sans soins adéquats à l'époque, un chien qui avait un cas sérieux de cette maladie-là allait mourir en moins de 3 semaines. Mais par contre, le chiot a réussi à survivre 8 autres semaines. OK. Nous dit-on. Sûrement parce qu'on en prenait vraiment soin, je sais pas. Bref, le chiot, c'est ça, était probablement pas très utile à l'époque, à part pour le bonheur de ses propriétaires. On dit que les propriétaires les gardaient très propres, ou bien au chaud et bien nourris, pour aider à survivre plus longtemps que s'ils avaient pas pris soin de ces chiens-là, bien sûr. Il y a une sculpture de chiot de 17 tonnes à Bilbao, en Espagne. Wow, depuis son ouverture en 1997, le Guggenheim Museum à Bilbao accueille Poppy. Hein? C'est donc une sculpture couverte de fleurs par l'artiste Jeff Koons, modelée sur son Highland Terrier, un West Highland Terrier, pardon. Donc le chiot de 17 tonnes doit sa forme au tissu qui le recouvre, qui est rempli de 37 000 fleurs vivantes. Donc c'est un chiot de 40 pieds de haut. C'est un jardin en forme de chiot, finalement, qui est maintenant vu comme une mascotte pour le musée et pour la ville elle-même. T'as sûrement déjà vu pendant le Super Bowl, on a aussi sur Internet et à la télé le Puppy Bowl. Ben oui. Où c'est des petits chiots qui font leur cute et quelques petites épreuves et tout comme ça. Donc c'est un spoof, une parodie du Super Bowl, le Puppy Bowl, qui a débuté sur Animal Planet en 2005. Mais les téléspectateurs pourraient être surpris d'apprendre que contrairement à la vraie partie de Super Bowl, le Puppy Bowl n'est pas en direct. Ben non. Ça a l'air en direct, ça a probablement été filmé en direct dans le sens de ouais. en une portion. C'est ça exactement. J'imagine. Mais bref, c'est ça, c'est... Non, c'est filmé en fait sur une distance d'une semaine. Donc l'équipe passe 2 jours à filmer les chiens avec l'aide de 100 guides canins ou plus. Et après ça, on va prendre 3 jours de plus pour filmer des choses comme des produits commandités et les chats qui font les cheerleaders dans le milieu du Puppy Bowl. Une fois que la production est terminée, le processus de montage prend 3 mois. Donc j'aurais pensé c'est vraiment... C'est énorme, hein? Il me semble une période live, mettons, de quelques minutes ou heures filmée au complet live, ça aurait été correct. Montage pendant 3 mois. Ça devrait être les coûts reliés à tout ça. Mais imagine le montage comme un coup de cher avec des employés à temps plein pendant 3 mois. Ouais, mais l'affaire, c'est que un live, tu peux pas faire n'importe quoi à ton chien. Tu peux pas contrôler les produits non ouais, plus qui vont être utilisés, j'avoue ça. C'est là au découpage, au moins, ils savent ce qu'ils cherchent. Je suis d'accord avec toi. T'as raison, 3 mois pour ça, et j'imagine que ça rapporte beaucoup d'argent c'est à l'autre planète. C'est énorme, 3 mois par contre de montage. Ouais. Les codes d'écoute doivent être vraiment là. Oui, 3 mois, c'est... Mais je sais pas si c'est 3 mois à temps plein, ça te précise pas. Et pour terminer, tiens, le chien le plus connu d'Hollywood était un chiot à problème. Ben oui. Si je te parle de Lassie, ça te dit quelque chose? Ben oui, certainement. Le premier chien à avoir joué Lassie était donc un chien mâle. Je savais pas ça, nommé Pal. Eh bien, Rough Collie nommé Pal. Quand il était chiot, le chien avait des problèmes de comportement. Le petit Pal était beaucoup trop enthousiaste. Il rendait son propriétaire fou en n'arrêtant pas de japper. Voilà. Aussi, il chassait les motos. C'était un passe-temps qu'il n'a jamais laissé de côté. Donc, il chassait les motos. Après que son entraîneur, Henry Peck, ait échoué à faire avancer la cause de Pal, il a référé le propriétaire du chiot à un collègue du nom de Rod Weatherwax, qui a eu plus de succès pour l'entraîner. Le propriétaire d'origine de Pal a éventuellement donné le chien à Weatherwax et le reste fait partie de l'histoire. C'est comme ça qu'on a réussi à l'amener jusqu'à son rôle de Lassie. Sous son guide, le nouveau guide, Pal a été la vedette de 7 films de Lassie ainsi que 2 épisodes de la série télévisée dérivée de Lassie. Et plusieurs décennies après sa mort, après son décès, donc décennie de décès. Oui. Le Saturday Evening Post a déclaré que Pal avait eu la carrière canine la plus spectaculaire de l'histoire du cinéma. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ben oui, tout à fait. Mm-hmm. Voilà pour cette portion de Son Foutu Palmarès. Je t'apprends, Tania, qu'on va continuer après la pause avec une deuxième partie, parce que devine quoi? Quoi? On n'aura pas de chroniqueur aujourd'hui. Voilà. Donc, pause et on revient avec une deuxième partie de Son Foutu Palmarès. Restez là. Aujourd'hui. Me, the Death by Oonga Boonga. C'est quoi ça, Dead by Oonga Boonga? Écoute, je pourrais pas te dire, mais je trouve tellement que ça sonne comme Oompa Loompa que c'est impossible pour moi de prendre ça au sérieux. Un mélange entre Oompa Loompa et Kawabunga. C'est ça. Comme Baloompa, c'est comme des tortues volantes. Exactement. Je sais pas, qui chantent. Qui sont petits. Bref. C'est non dans ma tête. C'est non, c'est ça. C'est la suite de son foutu palmarès. Avant de commencer, par contre, est-ce que tu connais le principe du. Du attends, je vais essayer de sortir ma meilleure voix, là. OK. Un petit peu. Faut que je me mette dedans. Hugues is the thing. Hugues. And today, I'm going to tell you how to. Alors, comme, j'ai-tu un meilleur extrait que ça? Je pense que oui. Hugues. Oui. Je pourrais pas dire, mais j'ai aucune idée, c'est quoi? Hugues. OK, on va dire Hugues. T'as peut-être lu un article de la presse il y a quelques temps qui parlait de Hugues, l'antidote à l'hiver. As-tu vu ça? Non. Ben, c'est pour contrer le spleen de l'hiver et le manque de lumière. C'est les Danois qui ont un secret qui est le Hugues. OK. Difficile à prononcer, même difficile à définir. Mais c'est ouais. Un concept d'art de vivre ancré dans la culture danoise. Donc, la lueur des bougies, c'est Hugues. Le plaisir de boire et de manger en famille ou avec des amis, c'est le Hugues. Hein? Donc, sentiment de bien-être, atmosphère intime, confort simple et chaleureux, instant de bonheur en compagnie d'êtres chers. Il y a plusieurs mots hein, qu'on pourrait associer au Hugues. En anglais, on pourrait dire cozy, mais on dit avec un accent porté sur la convivialité. Pourtant, je trouve que cozy, c'est pas mal convivial. Ouais, c'est ça, déjà en partant, mais bon. Mais bon. On va les laisser dire ce qu'ils veulent dire. C'est ça, Hugues. Tout ça, c'est un concept assez populaire depuis quelques années quand même. Des fois, on dit Hugues, des fois, on dit Kossegar. Et là, j'ai aucune idée comment prononcer ça. Oh boy. Mais bref, c'est ça. C'est les couvertures chaudes. Et puis, il y a une liste de la part de Shutterfly de mots qui n'ont pas d'équivalent dans nos langues, que ce soit l'anglais, le français, mais qui couvrent des sensations de. Pas de chaleur, mais de confort, si on veut, l'hiver, les soirées près du foyer, des trucs comme ça. Donc, on va s'essayer à la prononciation et à l'explication de peut-être des nouveaux mots qu'on pourrait utiliser à la place de Hugues, qui est juste pas un bon mot, on va se le dire. Ouais, non, c'est pas super cute, hein? Pas un très bon mot. Hugues. On va commencer avec Fiaka. Okay. F-J-A-K-A. Fiaka. C'est en croatien. Donc, c'est relaxer son corps et son esprit en faisant absolument rien. Fiaka. OK. J'aime ça. Ensuite, en hollandais, Gezellig. C'est Gezellig, on dirait une chanson des Spice Girls. C'est un peu comme des bonnes vibrations, good vibrations. C'est la sensation de chaleur que t'as quand tu passes du temps avec les gens que t'aimes dans un environnement comme ça, cozy. Hein? Se relaxer ensemble, Gezellig. C'est l'ancienne rectrice de l'UQTR aussi, je pense. Hein, c'est ça. Nadia Gezellig. Oh boy, on y a trouvé un nouveau nom. Ensuite, en islandais. Islandais, Glugavauer. Glugavauer. Ouais. G-L-U-G-G-A-V. A avec un vraiment drôle le symbole qui ressemble à un 6 inversé avec une barre dessus. C'est vraiment spécial. U-R. Ça, c'est de la météo de fenêtre. Hein? Qu'on appelle donc une fenêtre de météo. Une fenêtre, de la météo qui est plus fun à regarder quand t'es à l'intérieur qu'à l'extérieur, tu comprends? Ah oui! Tu sais, quand t'es en dedans, mais tu regardes dehors, puis ah, c'est donc bien beau. Ben ça, c'est vraiment Glugavar. Hein? Ensuite, on va en norvégien. Piskos. Oh! Piskos. Être confortable autour du foyer. S'asseoir devant un foyer qui crépite, ouais. Qui donne de la chaleur, c'est très piskos. En effet. Contrairement à West Coast. Ouais, c'est ça. Et là, t'as Exhibit qui pime ton chat. Ensuite, t'as le danois. Le danois, où on a Morgenfrisk. Morgenfrisk. C'est la sensation de se réveiller après une bonne nuit de sommeil. Tu sais, ce qu'on n'a jamais vécu depuis plusieurs années. Morgenfrisk. Ouais. On n'est vraiment pas Morgenfrisk, toi et moi. Non, pas du tout. Ensuite, en japonais, le kanso. Kanso. Le kanso. On garde les choses simples et on réussit à se rendre à un moment de clarté mentale en éliminant tout ce qu'il y a d'encombrant et en omettant tout ce qui n'est pas essentiel. C'est du kanso. Hein? Quand tu fais ta vente de garage, quand tu déménages. Oui. Tu te débarrasses de plein de choses, t'es kanso. Hein? Ça sent bien, Mathieu, ça sent bien. Merci, j'ai peur du tout. J'ai peur de non kanso. Plus. Ensuite, on va en grec avec philoxénia ou philoxénia. C'est accueillir des étrangers dans ta maison avec amour et respect. Étranger dans ta maison. Ouais, c'est bizarre, hein, j'avoue. J'avais pas pensé il à ça. Il cogne chez vous, ouais, je peux-tu souper, calme-toi. Peut-être, mettons, c'est dans le coin de Noël et t'invites des gens à venir festoyer qui n'ont pas de maison. OK. Je sais pas, philoxénia. Hein? C'est ça. Oui. Ensuite, oui. Ensuite, hein, on a le mot hindou ou le Fidji et à Talanoa. C'est partager des histoires et des idées pour comprendre les autres, construire des relations et résoudre des problèmes entre les gens. Aha. Talanoa. C'est cute? Ouais, ouais. Pas mal cute. Ensuite, j'ai envie de continuer un petit peu. Question que cette liste-là était vraiment très, très courte. Fait que j'ai envie d'en faire une autre. On va y aller avec des mots qui n'ont pas d'équivalent non plus dans nos langues, soit en anglais, soit en français. Donc, c'est des mots selon... Selon Lomas, oui, qui sur son site, c'est Dr. Tim Lomas. Alors, on peut voir des mots en ordre alphabétique par thématique ou par origine de langue. Donc, c'est des mots, des termes avec des définitions qui n'ont pas d'équivalent en anglais ou en français. Commençons par un mot portugais. Pour commencer, la première thématique, c'est des mots pour faire la fête. OK, ouais. Donc, le premier mot, c'est desbundar. C'est du portugais. Ça veut dire enlever toutes tes inhibitions et avoir du plaisir. Ah. Desbundar. Ben portugais. Oui, ben oui. Ensuite, en hollandais, Feestdagen. Feestdagen. Ça, c'est quelqu'un qui est vraiment... dans le fond, c'est la personne qu'on fête. OK. Donc, l'honneur va à la personne qui est fêtée. Ouais. C'est le Feestdagen. Ensuite, en allemand, Feierabend. Qui est quand tu te sens bien à la fin d'une journée de travail, que tu as envie de célébrer ça. Tu vas dire que t'es Feierabend en allemand. Ah, bon. Ensuite, en bantou, on a le mot mbuki mbuki. C'est enlever ses... Pardon, pourrais-tu répéter, s'il vous plaît? Mbuki mbuki. Mbuki mbuki. C'est enlever ses vêtements pour danser sans aucune inhibition. Ah, OK. Donc, t'enlèves tes vêtements et tu danses. That's it. T'avais besoin d'un mot pour ça, clairement. Ben oui, c'est sûr. Ensuite, tout le monde fait ça. Je ne sais pas comment dire cette langue-là, mais je crois que c'est ce qu'on parle à Bali. C'est le ramé. Ramé, quelque chose qui est chaotique et heureux. Ah, OK. Sobremesa, c'est en espagnol, c'est lorsque la nourriture est terminée mais la conversation continue. Tu sais, quand tu fermes le restaurant, tu es là, ouais, t'es sobremesa. Continue à jaser autour de ta coupe de vin. Tu sais, elle rend vraiment stressé les employés qui veulent libérer ta table. C'est en plein ça. Ensuite, en islandais, solarfri. Solarfri, c'est la fête du soleil. Donc, les travailleurs ont du temps mort, donc un congé inattendu pour pouvoir savourer une journée particulièrement ensoleillée. C'est un petit congé que tu t'attendais pas à avoir. Ouais. Le professeur se présente pas, je sais pas trop. Le patron se sent généreux. Alors ensuite, en norvégien, utepils. Ça, c'est juste boire de la bière dehors quand il fait chaud. Ben oui. Utepils. Okay. C'est comme utopique, mais... Ben oui. Utepils. Ensuite, des mots pour décrire une sensation de confort. Et non, on va pas répéter celui de tantôt. Non. Ouais. Les Welsh ont... Ça, c'est les pays de Galles. Ils ont Quitch. C-W-T-C-H, qui est, dans le fond, un endroit accueillant. Ouais. Tu sais, accueillant. Ouais. Ensuite, on a en allemand Geborgenheit, qui est la sensation d'être protégé, se sentir en sécurité de tout ce qui pourrait te nuire. Oh, c'est bien ça. Geborgenheit. Ensuite, les mots pour l'appréciation. En norvégien, on a Fjellvant, c'est être accoutumé de marcher dans les montagnes. Ah, oh, ouais. Quand t'es habitué, tu sais. T'es Fjellvant. OK. Gokota en suédois, c'est se réveiller tôt pour entendre les premiers oiseaux chanter. Ça, j'aimerais qu'on ait un mot en français. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Gokota. Ouais, ouais, ouais. Je me sens gokoté. Mais c'est bien ça. On dirait que ça te rend heureux pour le restant de ta journée. Je suis tout à fait d'accord. Ça veut dire que la bonne humeur revient quand les oiseaux chantent. Tu sais, nous, on arrive un petit peu trop tôt. 6h30, un petit peu pour qu'on puisse entendre les petits oiseaux. Quoique, il y a quelques semaines, j'en ai entendu plusieurs, mais je pense qu'ils étaient en train de revenir du Ah, sud. C'est ça. C'est ça. Ensuite, retourner, là. Moi, je pense que on se comprend. Repartis. Pas besoin de revenir. Ensuite, en espagnol, gula. Oui. C'est le désir de manger simplement pour le goût. OK. Pas manger pour te remplir, manger pour le goût. Gula. C'est bien. Facile à retenir en plus, gula. Ouais, c'est bon. Tu mets où ton goût, tu le mets goût. Ouais. Tu mets là ton goût, là. Tu mets là. En allemand, Habseligkeiten. Habseligkeiten. C'est tes possessions les plus précieuses. Mm-hmm. Ensuite, en hébreu, on a Lizangef, qui est se promener sur la rue Dizengoff de Tel Aviv pour s'amuser et ne pas avoir à se soucier de la vie. Ah, c'est okay. Un peu précis, je trouve. Oui, c'est ça. Pas besoin d'avoir une traduction pour ça, je crois. L'équerre. Hein? De la bonne l'équerre. De la bonne l'équerre. En norvégien, c'est de la nourriture goûteuse. Attends un petit peu. C'est tasty, OK? Relaxed, comfortable, pleasurable, sexy. Donc, c'est délicieux, relaxant, relaxé, confortable, plaisant et sexy tout en même temps. C'est l'écart. sais. C'est comme le contraire de nous, tu sais, quand tu dis que c'est à l'écœur. C'est pas le fun partout. Oui, c'est ça. Ensuite, en japonais, on a Otsukaresama. C'est la gratitude ou l'appréciation pour le dur travail de l'autre, le dur labeur. Donc, Tania, tu es Otsukaresama pour moi. Ah, oh, t'es gentil, c'est même chose. Je suis pas capable de le dire, là, mais même chose. Elle a pas les notes devant elle. Non. En thaïlandais, on a Samsung, d'excellente télévision aussi. C'est être revitalisé par quelque chose qui améliore ta vie. Donc, vraiment encore, je pourrais t'utiliser là-dedans. Tania, t'es vraiment Samsung pour moi. Ben voyons, merci. T'as fait d'ailleurs un souhait de bonne fête qui était quand même assez incroyable hier sur mon Facebook. Ah oui, je t'ai personnel. Dit quoi? Tu m'as dit que si je n'existais pas, on devrait m'inventer. Mais c'est vrai. Merci Mathieu, c'est très plaisir, gentil. Ça fait plaisir. En Géorgie maintenant, Shimomejamo. Et c'est ben, que quoi? Shimomejamo. Oui, oui, oui. Deux bas, je pense, le Shimomejamo. Oui, hein, c'est ça, exactement. Shimomejamo. Donc, c'est manger au-delà de la satiété parce que, Colin, tu t'amuses. Aha. Tu t'amuses, donc tu continues de manger. Oui. C'est Shimomejamo. Voilà. C'est bien ça. Puis quand tu vas te coucher, tu vas chez moi mettre mon pyjama, c'est ça? C'est peut-être ça. J'ai essayé. Ensuite, en japonais, Shirin Yuku. OK. C'est prendre son bain dans la forêt, mais de façon métaphorique ou littérale, si t'es capable d'avoir un bain dans la forêt. Ouais. C'est Shirin Yuku. OK. Ensuite, en norvégien, Tivsmake. Tivsmake. C'est goûter ou manger de petits morceaux de nourriture quand tu penses que personne te regarde, surtout quand tu fais à manger. Ah, OK. Tu vois, moi, j'aurais pensé que ça avait rapport avec une frappe. Parce que smack. Smack. C'est bam. Quand tu smack quelqu'un. T'as bien raison, mais non, ça c'est Steve Smack. OK. Ce serait si tu volais une bouchée d'un Big Mac, Steve Smack. Ben ouais. Alors que personne ne regarde. En hollandais, Huidwein. Huidwein, c'est marcher dans le vent pour le plaisir ou pour faire de l'exercice. T'as besoin d'un mot pour ça. Marcher dans le vent. Ouais. Pour faire de l'exercice. Huidwein. Ensuite, Ulasa, c'est en sanskrit et c'est la sensation plaisante associée avec une beauté naturelle. Fait que là, si je te disais ça comme compliment, ça serait encore trop. Oui. Là, j'ambitionnerais pas mal, mais wow. Oulassa. Je te demanderais combien je t'ai payé, là. Oulassa, oulassa. Oh mon Dieu, j'ai payé mes petits feux. Plaisir. Ensuite, des mots d'affection. Oui. Un jour, on va finir. Il reste juste cette catégorie-là, en fait. Ben oui, mais c'est quoi? Il y en a qui peuvent trouver ça plate. Moi, je trouve ça intéressant. Ben oui, c'est très intéressant. En portugais, on a cafuné. Cafuné. Cafuné, c'est passer ses doigts dans les cheveux de l'être cher. Ouh, hey, j'ai eu peur que tu me dises autre chose. Cafuné. Ah, parce que ça aurait été cafoufouné. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est cafouné. Ah, j'ai comme eu une petite peur. Là, un petit froid. Ouais, c'est ça. En portugais, toujours colo. Oui. Colo, pas colorectal. Non. Colo. C'est l'endroit dans le corps... L'air de ton corps, ailleurs, formé par la poitrine et les bras, c'est donc embrasser ou réconforter quelqu'un. Donc, la portion entre la poitrine et les bras, les petits bras, genre, c'est quand tu sers quelqu'un, c'est ça, c'est cet endroit-là en portugais. Colo. Oh boy! C'est vraiment nécessaire, tu vois. Ouais, des ben oui, mots clairement, comme ça. On place tout ça dans une conversation un vendredi soir. Ensuite, tu sais, dans les memes, tu dis tout le temps genre femme. Les gens disent FAM. Femme, c'est comme genre ton groupe d'amis, femme, ta famille, ou, j'imagine. Je sais pas vraiment comment on pourrait le décrire. Je pourrais pas te dire. Parce qu'on voit tout le temps ça, le mot femme utilisé, mais c'est la famille d'une personne. Ouais. C'est ça. Bref, mais t'es pas obligé de dire c'est pas juste pour la famille, tu peux dire tes amis sont ta femme aussi. Ça. Exact. C'est compliqué. Mais bon, donc en suédois, on a femme, mais avec un N. Femme. OK. C'est encore le même endroit qui est situé entre deux personnes qui se câlinent. Dans le fond, là, ce que je comprends du dernier, là, le mot colo tantôt, c'est la place formée entre la poitrine et entre les deux personnes. Tu comprends? Quand les deux personnes se câlinent et se collent le chest ensemble, l'endroit entre les deux chests. Ouais. C'est ça le colo ou le femme. OK. L'endroit juste quand tu te câlines comme ça. OK. C'est comme l'air entre les deux. Oui, c'est ça. C'est bizarre, hein? Très bizarre. Ensuite, en tagalog, on a le mot Gigile. Gigile. C'est pas juste ton oncle. C'est pas Gisèle, c'est Gigile. C'est ça, Gisèle et Gigile, le couple fameux. non, ça, c'est l'envie irrésistible de pincer quelqu'un parce que tu l'aimes bien. Point. C'est Gigile. Je suis un peu de même, des fois. Ouais, juste ça pincer le monde. Ben, pas pincer, mais tu sais, genre une petite tape du revers de la main. Ouais, une petite biff. Oui. Ouais. Ensuite, en norvégien, on a Ginsinglede. Pardon? Ginsinglede. c'est la joie de rencontrer quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps. Ah! Ginsinglede! Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Ensuite, on a Pintupi. Pintupi. On a le Kanyinimpa. C'est une relation active et intime entre la personne qui s'occupe de quelqu'un d'autre et la personne qui est occupée de par l'autre. Ok, oui. Tu comprends? Donc je comprends. C'est ça. C'est les aidants naturels, les autres. Ensuite, il nous en reste deux. En hollandais, on a le Quisting. Quisting, c'est permettre à ton être cher... attends un petit peu. Oui, c'est ça. C'est permettre à ton être cher d'entrer dans ton lit pour venir placoter. Ah? Quisting. Être cher... Mais si c'est ton être cher, il n'y a pas de déchets dans ton lit. Imagine qu'ils dorment chacun dans leur lit. Ah, peut-être. Je sais pas. Je sais pas du tout. Voilà. Ah non, mais c'est la fin. C'est la mais fin, oui, en fait. Je dis qu'il en restait deux, mais là, c'est retrouvaille, puis c'est déjà en français. C'est là. On comprend le mot retrouvaille en français. Ah, ben oui. Il était dans l'autre liste d'avant aussi, tu sais, à un moment donné. C'est vrai. Vous expliquez c'est quoi une retrouvaille, ça. Ouais, on se calme. C'est ça. Bref, voilà, pour son foutu palmarès, une chronique qui bouche un coin, pas mal, comme on dit. Alors, on s'en va entendre une pièce de Galaxy avant de passer à ta chronique. Oui. Ta nièce Galantrutinia qui s'en vient tantôt. Avant ça, une nouvelle entrée de Galaxy, c'est incroyable. Incroyable. Après, phénoménal. Voici Magie, Magie. Aujourd'hui. Bring your songs to me. the sweat of my tears. Et maintenant, c'est Tania is gonna entertain ya. C'est une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Tania, aujourd'hui, on parle oui. De Trois-Rivières. Oui, mais avant qu'on parle de Trois-Rivières, ça me fait rire parce que t'as pris quand même un ton quand même assez sensuel. J'ai changé de téléphone récemment et j'avais jamais encore rentré dans ma propre boîte vocale. Je sais pas c'est qui, la fille oui, je sais, qui a été engagée pour faire la voix de LG dans la boîte vocale. Ah, de LG, c'est pas ou Virgin. De Virgin. Parce que Virgin, elle te prend pour ton ami. Oh my lord, s'il vous plaît. Tu veux tes nouveaux messages? Fais-le un. Non. Parce qu'il faut que tu fasses un 11. Ouais. Mais là, elle fait, fais-le un. Ah, que ça m'énerve. Non, mais c'est vrai, les personnes qui font les voix, c'est un art faire des voix. Oui. Ça a l'air niaiseux, bon, tout le monde peut faire de la radio, blablabla, parfait, ok, fine. Mais annonceur de quelque chose d'important, comme, mettons, les lignes d'autobus. Oui. Les métros, peu importe, là, les trucs préenregistrés qui vont être utilisés plusieurs fois, qui vont être des mots mis ensemble, qui ne fitent pas ensemble. C'est un art, parce qu'il faut que les deux mots qui vont être matchés aient un lien oui, ensemble. Oui, exactement. Puis clairement, la fille de Virgin l'a pas compris, ça. Hein? Moi, ça m'énerve, la fille qui fait la voix dans l'autobus, là, ça fait genre « Première avenue ». Tu sais, tous les mots finissent avec ouais, une respiration. Une respiration. C'est pas beau, ça. Il aurait dû faire une autre prise pour que ça fasse « Première avenue ». Exactement. T'arrêtes sur un « U ». S'il vous plaît. En tout cas. Bref, on s'évade et on s'échappe dans nos territoires professionnels respectifs. mais maintenant, c'est le moment oui. De ta chronique à toi. Mais oui, certainement. Aujourd'hui, je vous parle de Trois-Rivières, mais je vais vous parler de Trois-Rivières. Vous allez voir sur le style immobilier et aussi sur le style citoyen de la ville de Trois-Rivières. Pourquoi? Bien, en fait, parce qu'en 2017, vers la fin de l'année 2017, on a reçu une activité record sur le marché immobilier résidentiel dans la région de Trois-Rivières. Ça, c'est quand même assez surprenant parce que depuis quelques années, ben, on se dit que Trois-Rivières, c'est une ville qui est assez vieillissante. On n'a pas beaucoup de jeunes et bien évidemment, on voit plusieurs pancartes de maisons à vendre. Donc, on s'attendait peut-être pas nécessairement à avoir une année record en termes de marché immobilier, mais la Chambre immobilière de la Mauricie a publié justement un bilan vers la fin 2017 qui parlait de la région métropolitaine de recensement de Trois-Rivières. Donc, on se relance avance un petit peu. Et ça a été établi selon des statistiques de la base de données provinciale Centris et des courtiers immobiliers qui, eux, font aussi un travail là-dedans. Donc, il y a 1132 ventes qui ont été enregistrées l'année dernière. C'est une hausse quand même de 2 %. On se dit que c'est pas nécessairement beaucoup, 1132 ventes, mais à Trois-Rivières, c'est quand même 1132 personnes qui ont décidé de soit s'acheter une nouvelle maison, passer d'un appartement à une maison, ou encore qui ont tout simplement... Ils sont venus s'établir à Trois-Rivières. Ça, tu peux sûrement même doubler ce chiffre-là parce que c'est souvent des couples. Ben oui, exactement aussi. Souvent. Donc l'année s'est terminée en force, en fait, pour Trois-Rivières avec un bond de vente de 20 % au quatrième trimestre. Donc c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose aussi qui nous met sur la map au niveau de l'immobilier parce qu'on ne s'attendait pas nécessairement à ça. Et le secteur Cap de la Madeleine, bien, on s'est vraiment démarqué, en fait, avec une progression de 10 %. Ah, ouais. Donc je ne m'attendais pas du tout à ça parce que lorsqu'on vit ici à Trois-Rivières, et on entend quand même assez parler dans les dernières années, dans les nouvelles régionales, Trois-Rivières, le secteur du Cap de la Madeleine, c'est un petit peu le secteur qui est délaissé de côté. Mm-hmm. C'est le secteur qui était très usine il y a de cela plusieurs années. Donc, on dirait que l'investissement est peut-être moins là depuis quelques temps. Mais là, de voir qu'on a eu une progression de 10 % vers la fin de l'année 2017, c'est quand même le fun parce qu'on bat en fait un record de 2015 qui avait été de 276 transactions. Et là, en 2017, on avait fait 282. Donc, c'est un chiffre qui est quand même assez minime, on s'entend. On va pas aller rivaliser non plus avec les ventes de l'île de Montréal, mais quand même, on a une progression immobilière ici à Trois-Rivières. Je pense que c'est le fun parce que peut-être que ça fait juste démontrer que les gens s'intéressent de plus en plus à notre chère petite ville et à la repeupler. Et c'est là que je veux amener ce style de chronique-là. C'est que Trois-Rivières, en fait, a été un petit peu sacrée la capitale de la propriété abordable. Ouh. Dieu sait qu'on est situé entre Montréal et Québec, mm-hmm. qu'on est souvent l'arrêt pipi entre les deux. Nous et Berthierville. Exactement. Et on a souvent aussi traîné la réputation de la capitale du chômage. Ouais. Parce que, bon, c'est quelque chose qui était vrai. Les chiffres ne mentaient pas. Donc, on avait un taux qui avait déjà avoisiné les 14 % en termes de chômage à Trois-Rivières. Mais on est aussi la ville où les gens sont le plus heureux. Donc, on est quand même assez contradictoire sur ce type d'études-là quand on regarde ça. Mais aujourd'hui, la ville a fait un virage à 180 degrés. C'est-à-dire que les trifluviens vivent dans un milieu où le taux de chômage est à peine 4 % et où le prix des maisons est parmi les plus bas, non pas seulement au Québec, mais au Canada. Donc, c'est une étude de Statistique Canada qui a été réalisée en 2015, qui met justement la ville au deuxième rang national face à la satisfaction à l'égard de la vie dans les régions métropolitaines. C'est le fun parce que en 2012, lorsque la centrale nucléaire Gentilly 2 a fermé, bien il y a plusieurs personnes qui sont parties. Par exemple, oui, on savait que c'était du côté de Bécancour, mais il y avait quand même des gens qui vivaient à Trois-Rivières et qui travaillaient du côté de Gentilly. Donc, les contre-coups se sont fait sentir quand même assez beaucoup dans les municipalités qui étaient environnantes, dont Trois-Rivières. Comme je l'ai dit, on n'a pas passé à côté. On a aussi souffert un petit peu de cette fermeture d'usine-là. Et bien évidemment, c'est une centrale nucléaire. Donc, on sait pourquoi ça l'a fermé, là, on s'entend. Mais il faut quand même le dire, c'est près de 200 maisons de plus qui se sont retrouvées sur le marché à ce moment-là parce qu'il y a des gens qui ont tout simplement quitté pour d'autres centrales, pour d'autres usines à l'extérieur de la région. Et à ce moment-là, bien, on se posait les questions, tu sais, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Et là, justement, de voir ce retour à l'équilibre-là, ici, en région, au point que le nombre d'inscriptions a baissé de 11 % en 2017, bien, les maisons se vendent rapidement, aux alentours de 94 jours en moyenne. Donc, c'est un temps qui est quand même assez bon. Si on regarde ça comme ça, c'est 2 mois et demi, 3 mois. 3 mois, pas mal. Donc, tu sais, c'est une belle moyenne. Ça veut dire que notre achalandage est quand même assez bon. Et ce qui avantage Trois-Rivières, c'est d'abord les prix des propriétés. Parce que on peut pas, comme je le disais tout à l'heure, on peut pas rivaliser avec les métropoles comme par exemple Montréal ou encore Québec. Ce sont des prix qui sont quand même assez exorbitants. Alors le fait qu'ici on puisse avoir un prix qui est quand même assez abordable, ça amène, veut pas, une clientèle qui est très, très intéressée, mais aussi qui est très jeune. Parce qu'on veut aussi dire qu'on est capable de juger un budget en fonction de pouvoir s'acheter une maison aussi en venant s'établir à Trois-Rivières. Donc, en moyenne, les maisons ont été construites dans les années 50, les années 80. C'est des bonnes constructions. On peut facilement trouver une propriété pour 150 000 $ ici à Trois-Rivières. contrairement à l'extérieur de la ville de Trois-Rivières, où là, justement, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus dispendieux, considérant le fait que les maisons dans ces années-là vont avoir de la difficulté au niveau des rénovations. Eh bien, nous, le prix des maisons fait en sorte qu'on peut se permettre ces rénovations-là par la suite dans ce type de maison. Donc, les taxes peuvent être un petit peu chères. Trois-Rivières, c'est un endroit qui donne une chance aux familles de s'établir. Et on l'a dit tout à l'heure, on a une population qui est quand même assez vieillissante. Alors, notre créneau, on doit aller le chercher ailleurs maintenant. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Trois-Rivières, ça bouge quand même. Il y a plusieurs projets qui ont été mis sur la map dans les dernières années. Entre autres, je pense à Trois-Rivières sur Saint-Laurent, qui fait en sorte qu'on amène des gens de l'extérieur qui sont rendus à un niveau peut-être de leur retraite ou de leur pré-retraite, et qui viennent s'établir ici à Trois-Rivières, tout simplement parce qu'on est entre Montréal et Québec et que le prix est vachement mieux qu'ailleurs. Donc, le secteur de Trois-Rivières, ça se met justement sur la grande map là, à travers le Canada pour les prix et pour la distance aussi. On est vraiment au milieu de tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est considérable, que les gens prennent en considération avant de venir s'établir. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu là, du secteur du Cap-de-la-Madeleine. Bien, on s'est démarqué au cours de la dernière année. On a une belle progression des ventes. Peut-être est-ce que ça va faire mousser aussi un petit peu l'activité qu'on appelle d'avoir dans le bas du cap, dans le BDC, au Cap-de-la-Madeleine. C'est un petit peu loin du centre-ville, mais il y a certaines maisons qui sont très modestes. On peut aller vivre au Cap-de-la-Madeleine pour 90 000 $. Donc, c'est des prix qui, en temps normal, n'existent quasiment plus ailleurs au Québec, quasiment plus ailleurs au Canada. Mais ici, à Trois-Rivières, on a la possibilité d'encore pouvoir le faire. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on demande 90 000. Au contraire, c'est qu'on a tout simplement les ressources pour pouvoir dire qu'on n'a pas besoin de payer nos maisons extrêmement chères. Ça, c'est le fun. Ça fait plaisir à nos citoyens, bien évidemment. Et Trois-Rivières, c'est un village, c'est une ville, en fait, qui bouge de plus en plus. Il y a quelques années, moi, quand je suis revenue de Montréal, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à me réadapter. Parce que je trouvais que Trois-Rivières, ça bougeait pas assez. Ouais. C'est sûr, on passe, pour la plupart des personnes qui font cet exercice-là, c'est-à-dire de quitter pendant quelques années et par la suite revenir, on réalise que Trois-Rivières, c'est une ville qui est quand même assez calme. C'est une ville qui est respectueuse. Et bien évidemment, quand je dis une ville, je parle des citoyens aussi. C'est sûr et certain qu'ici, à Trois-Rivières, on n'a pas à se taper 3 heures de trafic. Mmh. Chose que je pense pas mal tout le monde apprécie. Et depuis 10 ans, bien, en moyenne, Trois-Rivières compte 1000 nouveaux résidents de plus par année. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui est bon. Ça veut dire que les gens s'intéressent de plus en plus à la ville de Trois-Rivières. Ça veut dire que les choses peuvent bouger. Il y a plusieurs raisons aussi qui les invitent à venir ici à Trois-Rivières. Entre autres, on a 3 hôpitaux. On n'a pas juste ça. 2 cégeps. Une université, on a plusieurs infrastructures culturelles ou encore sportives. On a le Parc national de la Mauricie qui est très près. Donc, quand je vous disais tout à l'heure qu'on est entre Montréal et Québec, on a aussi un côté nature qui est très développé. On a des places où les gens qui sont sportifs peuvent aller faire du sport. Donc, on a vraiment un petit peu de tout très, très rapidement sans devoir se taper plusieurs heures de trafic pour pouvoir le faire. Donc, on est vraiment... on est un petit peu hors pair, là, présentement. On est un petit peu un petit bijou qui n'a pas encore été assez poli. Ça devrait venir dans les prochaines années, j'ose le croire. Mais on est comme un gros village qui bouge. Parce que, bon, oui, on a un centre-ville qui est situé sur une rue seulement. On le sait, c'est correct. Mais notre centre-ville, lorsqu'il s'anime, il est incroyable et il a été réputé à travers le monde pour bouger de la façon qu'il bouge. Donc, de ce côté-là, si cette ambiance-là de la ville de Trois-Rivières fait en sorte que les gens viennent s'établir de plus en plus, bien, ça va faire en sorte que notre population va être de moins en moins vieillissante. Mmh. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, tout ce qu'on voyait pousser, c'était des résidences pour personnes âgées. C'est vrai, oui. Il y a plusieurs résidences pour personnes âgées ici à Trois-Rivières. D'énormes. Mais il y a de plus en plus de projets immobiliers aussi qui se mettent sur la carte. Donc, de ce côté-là, ça veut dire qu'on a une demande aussi de faire des nouvelles maisons, de pouvoir établir des gens dans la ville de Trois-Rivières. Et on disait il y a quelques temps aussi dans nos chroniques ou juste en discussion que la main-d'œuvre à Trois-Rivières, bien, c'est quelque chose où on peut mettre un prix aussi. Parce que ça n'existe plus nécessairement des gens qui vont étudier en plomberie ou en maçonnerie ou peu importe. Donc, les gens qui viennent de l'extérieur pour pouvoir exercer ces métiers-là. Bien, ils se réalisent qu'à Trois-Rivières, leur maison coûte pas cher. Puis en plus, ils vont avoir un travail qui va être très bien établi. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez le fun. Évidemment, on a des nouveaux quartiers qui se sont développés au cours des années. Si, pardon. Ça va aller, hein? Pauvre Tania. Si on y va en chiffres un petit peu, bien, Trois-Rivières, au terme du nombre d'habitants qu'on comptait en 2016, c'était 134 413 habitants. Le revenu en 2015, c'était aux alentours de 51 000 $ par personne qui vivait ici. 94 jours, c'est le délai de vente moyen pour une propriété. Donc, si vous êtes ici à Trois-Rivières, vous mettez à vendre votre maison, aux alentours de 94 jours, elle devrait être vendue. Et 56% des maisons qui sont mises sur le marché par leur propre propriétaire. Donc, on se rend compte quand même qu'on a un bon côté immobilier, courtier immobilier ici à Trois-Rivières. Je pense que les gens ont peut-être pas réalisation de tout ça. Et ce qu'on réalise pas non plus, c'est que Trois-Rivières devient de plus en plus une ville étudiante. Pourquoi? Est-ce qu'on peut vraiment considérer, en fait, que la ville de Trois-Rivières est devenue un petit peu une ville étudiante? Je suis sortie cette fin de semaine. Je suis allée du côté du nouveau restaurant dans le centre d'achat Les Rivières. D'accord. Pour ne pas le nommer, le fameux Shaker. Oui, oui. Puis, je regardais autour de moi. On était, si je me souviens bien, un mercredi soir. Mm-hmm. Et j'ai réalisé que la proportion de gens jeunes dans l'endroit pour un mercredi soir était énorme. Là, j'ai fait, mais attends, il y a quelques années, ce restaurant-là aurait été rempli seulement de personnes beaucoup plus âgées, entre 40 et 60 ans. Ah, OK. Et là, il y avait vraiment beaucoup de jeunes, mais il y avait aussi une proportion de gens qui étaient justement dans les âges 40-60. Je me suis dit, c'est le fun de voir des gens sortir un mercredi soir. Est-ce que c'est parce que c'est nouveau? Bien, c'est sûr qu'il y a l'engouement du fait que le restaurant est nouveau, mais il y a aussi le fait que les étudiants n'avaient pas de place où sortir. Ah oui. Les étudiants qui viennent à Trois-Rivières, qui n'ont peut-être pas nécessairement de voiture, on s'entend que descendre au centre-ville un jour de semaine, c'est loin, mais il y a aussi très peu d'options. Ouais. Ouais. Les restaurants au centre-ville sont quand même plus chérants, peut-être, un peu, que ceux qu'on peut retrouver en Haute-Ville. Et là, quand je parle en Haute-Ville, c'est vraiment juste sur près du centre Les Rivières, près de l'université, Forges, exactement, ouais. Boulevard des Forges, des Récollets, ce genre d'endroit-là. Donc, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est vrai, la ville de Trois-Rivières est vraiment devenue une ville étudiante parce que tu poses la question à quelqu'un, elle vient pas originalement d'ici, elle est venue pour les études. Ouais. Il y a de plus en plus de jeunes qui décident de venir ici parce que ça coûte pas cher. Tant mieux. Il y a des éléments qui peuvent justement aller dans ce sens-là. Écoute, on a des organismes, on a des citoyens qui viennent s'engager ici dans la ville de Trois-Rivières. Donc, c'est un article du Nouvelliste qui est sorti la semaine dernière où justement des gens parlent du fait qu'ils ont décidé de venir à Trois-Rivières pour étudier. Et bon, c'est sûr et certain que ces gens-là, on n'est pas certain de les garder à la fin. Ouais. C'est une ville étudiante. Ils ont le même problème à Montréal avec des étudiants étrangers. Ils viennent étudier ici, payent pas très très cher et par la suite, on repart avec un diplôme. Ce qu'il faut mousser par la suite, c'est la possibilité de rester dans cette ville-là. Si on a tant aimé la ville en y étudiant, pourquoi est-ce qu'on s'y établirait tout simplement pas? Il y a des gens qui font ce move-là. Il y a des gens qui ont tout simplement décidé de rester ici après leurs études et je pense que c'est quelque chose que la ville de Trois-Rivières ou du moins les institutions éducatives peuvent quand même mettre de l'avant. On vient de parler du fait que Trois-Rivières, ça coûte pas cher à s'établir, ça coûte pas cher s'acheter une maison. Alors pourquoi est-ce que à ce niveau-là, nos étudiants devraient les reperdre par la suite? On s'entend si quelqu'un vient étudier ici à Trois-Rivières pour le cégep et ensuite l'université, c'est un bon 5 à 6 ans, si c'est pas plus, selon la maîtrise ou le doctorat ou peu importe ce qu'on veut faire. Alors de justement mousser peut-être un petit peu plus la ville de Trois-Rivières au niveau étudiante, au niveau nouvelle génération, je pense que la ville de Trois-Rivières pourrait se mettre quand même sur la map, non seulement au niveau de l'immobilier, mais au niveau du fait qu'on se régénère autrement qu'avec simplement des personnes vieillissantes. C'est le fun de parler en bien de Trois-Rivières. Ben oui, hein, c'est rare. On entend les gens chialer souvent. On entend les gens chialer. Il y a quelques années, on a perdu la fameuse Wayagamack, là, donc l'odeur est beaucoup mieux, mesdames, messieurs, sachez-le. C'est pas parfait, mais c'est mieux. On a un fleuve, on a des... Je pense que les attractions autour de Trois-Rivières sont là pour rester. On a simplement besoin de les faire mousser et peut-être les promouvoir au niveau de la nouvelle génération. Et quand je parle de nouvelle génération, c'est les étudiants qui vont devoir rester par la suite mm-hmm. ou qui peuvent rester. Je parle pas nécessairement de changer du tout au tout la ville de Trois-Rivières. C'est pas ça. C'est qu'on a on a l'opportunité, en fait, de pouvoir démontrer à ces gens-là que la ville de Trois-Rivières, c'est une place où c'est bon s'y établir parce que, justement, on est au milieu de tout. Mm-hmm. Absolument. Voilà qui est dit. Merci, Tania. Hey, ça fait plaisir. Une autre chronique tantôt sur les entreprises et la nouvelle génération. Oh oui. Oh oui. Dans Tania is gonna entertain ya. Mais avant ça, étant donné que tu portes du rouge aujourd'hui et que dans ma vision périphérique, j'avais l'impression que c'était un chandail de Noël, mais c'est pas ça. Écoute. Quoi? C'est le premier chandail rouge que j'achète en 15 ans, je pense. C'est beau, j'aime le rouge. Je ne porte pas de rouge dans la vie. C'est très rare que je vais porter du rouge. Puis j'ai trouvé cette veste et j'étais comme, bon, ben, je l'achète. Une veste rouge fleurie. Oui. Voilà, au motif noir et blanc de fleurs. Oui. Bref, tu peux comprendre subtilement qu'on écoute la fille avec la robe rouge. Là, oui, de Machine c'est ça. Géante à assemblage requis. C'était aucunement prévisible du tout. avec la fille avec la robe rouge, assemblage requis. Avant de prendre la prochaine pause et de passer à la prochaine chronique, Tania, tu m'as fait voir en fait une vidéo pendant la chanson d'une avalanche en Russie. Oui. Incroyable avalanche qui poussait les voitures dans un stationnement. Exactement. Puis là, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a déjà eu des avalanches au Québec? La réponse est oui, mesdames, messieurs. Ça fait longtemps, par contre, là, mais je suis tombée sur l'inventaire des avalanches mortelles au Québec depuis 1825. Aïe, aïe. Et on parle de 39 avalanches de neige mortelles au Québec depuis 1825. Okay. Et c'est un bilan provisoire qui s'élève jusqu'à 69 morts et 56 blessés. Ils sont où les archives de ça? Oui, dans les médias. Hey, je crois que voir dans ça. Le temps, il y en a eu. Je sais que, bon, hein, c'est pas en tout cas. Il y a sûrement des protections de nos jours. Il y en a qui se sont produites en milieu résidentiel, Mathieu. Ah, ouais. 11 accidents, 37 morts, 42 blessés, principalement dans les villes de Québec et de Lévis. Ah, wow. On a sûrement plus de glissements de terrain au Québec, j'imagine, qu'à l'avalanche. Probablement, oui. Mais quand même. Mais on a quand même beaucoup de neige, là. C'est l'Université du Québec à Rimouski qui a fait cet inventaire-là. Je les remercie. Je vais me taper le document au grand complet, je pense. C'est ça. Faire l'inventaire, ça a d'être plate comme job, mais ça, c'est l'inventaire des avalanches. Ils doivent étudier en géographie, là. Je peux pas croire. Dans quelques instants, on va parler de marketing dans le bloc pub. Oui. Avant ça, ben, on prend la pause tout de suite. Tant qu'à être d'un temps, non? Aujourd'hui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Ooh. say you look tired. Sing my secret choir. Salt my scrapes and sleep tight. Sing my brave acolyte. fin du monde. Philippe Braque. Et maintenant, c'est le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le good. I love you and I kiss you. Aha! C'est le bloc pub où on parle de marketing et d'idées pour vendre des choses. Et on commence avec quelque chose que je trouve vraiment cool et qui est au Québec. T'as peut-être vu ça passer. C'est pour les packs. As-tu vu la plus récente campagne? Non, j'ai pour pas les vu. Packs flambant usagé, même dans ses publicités. J'adore ça. On dit que tout peut servir deux fois, même en pub. C'est donc le principe des packs et de K72 qui plongent dans le passé publicitaire afin de faire revivre des campagnes qui ont marqué des générations. Donc, vidéo et bannières transforment de grands slogans publicitaires et autres sensations du web, que ce soit le chat au clavier, le keyboard cat, ou sinon l'imagerie Thug Life. Hein? Oui. Donc, c'est ce qu'on reprend. La nouvelle signature de l'EPAC, c'est flambant usagé. Ça accompagne l'offensive. Ils disent que le mot usagé est encore trop souvent associé à quelque chose de mauvaise qualité, à tort. Donc, on va écouter quelques petites publicités pour l'EPAC. C'est rare qu'on écoute des publicités québécoises, mais quand même, parce qu'ils jouent beaucoup d'habitude. Donc, on voit le pharmacien dans un garage, un pharmacien qui, j'imagine, va faire... Attention, qu'est-ce qu'il va faire? C'est beau, j'apprends. Ah! Les packs. C'est excellent. Hey boy, hein? Vraiment excellent. Une autre, tiens, une petite de 30 secondes ici. On est sur une salle de spectacle. Afin de promouvoir le marché d'usagers, les packs donnent une seconde vie à de grandes publicités. Un sac, un sel, une grande tablette, une grosse TV, un 3,5, un chalet en boiron, un beau hamac, un pédalo, un canot, une belle auto décapotable ou familiale, une moto, une bonne aubaine pour partir en fin de semaine, un vélo pour petit dernier avec des roues sur les côtés. C'est pas tout, j'ai pas fini, car sur les packs on trouve aussi bateau, frigo, un pareo, un beau piano, un piccolo, une étagère pour ma fougère, aspirateur, laveuse, sécheuse, des arrosoirs, une paire de ski quand c'est l'hiver, un barbecue quand vient le printemps. J'aime les packs, c'est d'occasion et c'est vraiment intelligent. Engagé! Oh. C'est pareil comme la publicité de McDonald's où on décrivait un hamburger avec chacun des ingrédients dessus. J'adore l'idée, l'exécution est parfaite, donc tout est bon là-dedans. Félicitations à l'EPAC. Bon, hein? Pas pire ça? Ensuite, une petite cuisine fabriquée de petites versions, de petits plats de l'émission de Top Chef. Est-ce que c'est... Oui, c'est ça, de l'émission ouais. Top Chef et non pas de Chef Top, on ouais. comprend. Bref, pendant une publicité, pendant une pause publicitaire... Donc, on parle ici des enjeux de Top Chef qui étaient vraiment à leur summum. Hein? Mm-hmm. Et les gens chez Tiny Kitchen ont été partenaires avec la chaîne Bravo pour la compétition de télé-réalité culinaire pour créer quelques recettes de la part des deux finalistes. Donc, la publicité était diffusée en écran séparé, donc en écran divisé. Et il y avait une paire de mains humaines qui préparaient une entrée et un amuse-bouche dans la micro-cuisine de Taste Made. C'est pas mal l'idée de la chose. C'est que pendant l'émission Top Chef, pendant la pause publicitaire, il y avait l'écran séparé qui montrait les publicités d'un côté et les exécutions cuisine de l'autre côté. Donc, des petites, je sais pas, c'est côtelettes de porc, on dirait, quelque chose comme ça. Je pense que c'est des côtelettes de porc qu'on voit, ouais. On coupe un tout petit oignon avec un minuscule couteau. Mm-hmm. Hein? Bref, tout plein de petites démonstrations culinaires silencieuses qui duraient 3 minutes et demie. Donc, c'est deux blocs publicitaires. Des pods qu'on appelle avec des petits plats comme ça, c'est tout. Bravo qui a déjà expérimenté avec le format d'écran séparé pendant la 15e saison de Top Chef qui se passe dans le Colorado. On diffuse des moments behind the scenes de l'émission d'un côté pendant que les commandites jouent de oui. l'autre côté. Plusieurs réseaux américains font ça en ce moment. Au Québec, tout ce qu'on fait encore, c'est diffuser un petit chronomètre, un minuteur dans le coin. Cette mode-là a passé vraiment... je pense même pas qu'on a eu cette façon de faire-là aux États-Unis. En tout cas, moi, il me semble que j'ai pas vu ça. Donc, j'imagine que dans quelques années, on va s'adapter puis on va commencer à jouer des blocs de choses intéressantes dans le coin pendant les publicités à la place de juste avoir des logos de commanditaires puis un chronomètre de 30 secondes. Encore une fois, minuteur. C'est pas un chronomètre. Un chronomètre, c'est par en haut. Minuteur. Ouais, pardon. C'est vrai. Bref, Tiny Kitchen, voilà, 835 millions de vues au niveau global, quand même pas si pire, hein? Mm-hmm. Ensuite, on va chez BMW qui a fabriqué un catalogue très, très comment dire, ami de la terre pour sa voiture électrique i3. Oh. As-tu vu ça? BMW, non. Un catalogue eco-friendly, comme on l'appelle. C'est ça. C'est d'habitude, on dit que garder un catalogue pendant plus que la durée que ça prend pour choisir ta voiture, c'est rare. Mais chez BMW, pour la i3, ça pourrait valoir la peine de garder ce catalogue-là, si jamais vous êtes capable d'en trouver un, parce que c'est quand même assez rare. C'est un guide promotionnel qu'on appelle le premier catalogue de voitures éco-équitables du monde. OK. Conçu par Bibilio en Israël. C'est composé de bois, de caoutchouc, de verre, de cuir artificiel, de marbre, de satin, de carton, de papier, de plein de choses comme ça. Et même le panneau publicitaire d'une vieille publicité de BMW sur les autoroutes, ce genre de trucs-là. Ouais. Donc le catalogue est une réflexion de la voiture elle-même, disent-ils, parce que le modèle i3 de BMW est à 100% électrique. On dit que c'est que le châssis est construit à partir d'arbres d'eucalyptus. Il y a des moutons qui ont été élevés c'est pour fournir les coussins de la voiture. Donc plein de choses comme ça, éco-équitable. Même chose pour le catalogue, qui est vraiment très très joli, et chaque page est vraiment son propre matériau. Donc tu lis le texte sur la vitre, et en dessous de la vitre tu vois le contreplaqué. Okay. Donc là tu tournes la page entre guillemets qui est la vitre, et là tu as le texte sur ou des images ou quelque chose comme ça sur le contreplaqué. C'est vraiment très bien fait. Ça a été rassemblé à partir de matériaux de partout en Israël. Et comme je disais, chaque page est composée d'un élément différent. Le catalogue a été imprimé et placé dans les salles de montre de BMW à Jérusalem, Haïfa et Tel Aviv au mois de février dernier. Les gens qui achètent une i3 peuvent aussi avoir une copie après avoir dépensé environ 45 000 $ US pour une voiture. Hein? Ça vient avec, là. Quand même pas si pire. Mm-hmm. Quand même. Ensuite, on va chez Boréal, la bière Boréal. Oui. Avec un espace qui a été aménagé de façon à créer un parcours intuitif pour le visiteur. C'est un espace boutique pour faire vivre la marque Boréal dans un environnement physique. Donc, les Brasseurs du Nord, Boréal, ont récemment dévoilé le Relais Boréal, un espace boutique situé à même la brasserie réalisée par LG2. OK. Le Relais Boréal qui permet de s'imprégner du savoir-faire de la marque avec sa vue directe sur la brasserie, un peu comme au temps d'une pinte, quand même. On a ça ici à Trois-Rivières. Bref, l'espace a été aménagé de façon à créer un parcours intuitif pour les visiteurs. Il est plongé dans l'univers de Boréal dès son arrivée en boutique et tout au long de sa visite. L'attachement de la marque pour la nature est concrétisé par un mélange de matériaux québécois et naturels. Il y a aussi un mur de dégustation qui donne l'occasion d'en apprendre davantage sur la culture boréale et le processus d'élaboration des bières. Sur place, il est également possible de magasiner parmi une sélection de vêtements, de verres et d'accessoires. C'est très joli, allez voir ça, ça fait vraiment très très bois. T'as l'impression d'être dans une forêt par moment parce qu'il y a des arbres, des vrais arbres. Ah ouais. C'est vraiment très très cool, et il y a des fûts avec même des arbres sur le fût. C'est très joli, allez voir ça. Assemblagerequis.com, bien sûr. Ensuite, est-ce que tu connais Grindr, au moins de nom? Je connais de nom. C'est le Tinder gay. Oui, Grindr. C'est ça, ok. C'est ça. Bref, il a commandité un edit-a-thon. Ouais. Pour de Wikipédia au South by Southwest. Donc, ils ont pu éditer plus de 500 pages sur Wikipédia. Parce que Wikipédia, c'est la première source d'information quand on cherche des infos sur un sujet. Oui. C'est pour ça que le podcast, la balade de diffusion Nancy de WNYC et Grindr se sont assemblés pour rendre l'Internet plus queer en faisant un edit-a-thon, un éditaton. au South by Southwest. Donc, l'idée, le but était très simple, éviter les résidents de Austin, au Texas, maison des bombes. Ainsi qu'Internet pour éditer et inclure des informations qui ont un lien avec la communauté LGBTQ sur les pages Wikipédia. L'événement a duré pendant 5 heures. 50 personnes se sont présentées là et d'autres travaillaient en ligne. Il y a eu plus de 500 éditions ou changements, modifications sur les pages Wikipédia dans des sujets comme les arts, l'histoire, le divertissement. Plusieurs étaient des changements positifs. C'est ce que le co-animateur du podcast a dit là-dessus. Et puis, l'événement était un autre exemple des activations de South by Southwest focusées sur le bien social. Ah, c'est ce qu'on voulait faire avec mon ce Dieu, c'est bien. Éditaton. Éditaton. On peut pas passer à côté, évidemment, tout le monde en a parlé. Et c'est hier, en fait, que la mise à jour de l'application Desjardins a été effectuée sur l'App Store avec le nouveau logo. C'est arrivé, en tout cas, hier, il me semble que c'était hier. Sinon, je peux pas te dire, j'ai... T'as pas l'application Desjardins, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, personnellement, de ce nouveau logo avec la même forme que le logo Tifou, mais pas effleuré? Ouais, écoute, je trouve ça épuré. Oui, épuré, moi j'aime ça. J'aime quand même l'idée. Oui. Tu sais, c'est sûr que, bon, le logo qu'on connaissait de Desjardins avec les rondes à l'intérieur, là, c'est quoi? C'était des abeilles? Ouais, ben, en fait, c'était comme une abeille, comment dire... minimalisé peut-être. Ouais, c'est ça, vraiment minimalisé, mettons. Mais je trouve ça beau comme ça. Je trouve que ça fait pur, simple, puis c'est bien correct. Je suis très d'accord avec toi. J'adore l'aspect minimaliste, j'adore la police de caractère. Ce qui est dommage, c'est les commentaires des gens sur pas mal tous les médias sociaux qui ont l'air assez négatifs. C'est sûr que le changement, ça fait mal, ça fait peur. Ouais. Mais regardez le logo de Desjardins maintenant que le nouveau est sorti. Regardez l'ancien et regardez comment il a l'air de dater énormément. Et comme Desjardins dit, si t'évolues pas un petit peu, c'est sûr que tu restes pas mal pris dans le passé. C'est sûr. Puis ton succès va pas nécessairement être là. Mais bref, hein, on peut remarquer à partir de techniquement aujourd'hui, 26 mars, lundi, sur le site de Desjardins, l'application, bon, certains endroits, leurs affiches probablement, sûrement pas toutes les enseignes, ça va être sur une longue échelle qui vont faire ça, mais comme j'ai dit, c'était en avant-première en fin de semaine qu'on a pu le découvrir sur l'application. Le changement qui a été pensé en consultant des groupes de membres et des clients. L'institution dit que c'est important de conserver une référence forte à la marque, notamment la forme hexagonale et la couleur verte. Je crois qu'ils ont bien fait, même si c'est pas un vert que j'aime. Personnellement, je trouve pas ce vert-là beau. Ça aurait pu facilement changer pour un autre vert, mais bon, une chose à la fois, hein, on va changer, on va enlever ce qu'il y a dans la forme pour l'instant. Hein. Le nouveau logo qui apparaît d'abord sur les supports de communication numérique, donc évidemment, ce qui est le plus facile à changer, accéder à Desjardins, page Facebook, etc., etc. Puis ça va être progressivement sur l'ensemble des autres supports et dans le réseau des caisses. Par contre, ce que je trouvais intéressant d'apprendre, c'est que c'est pas la première fois du tout que le logo a subi une cure de rajeunissement. Ah non? Si vous allez voir, il y a une page complète sur le site de Desjardins.com dans leur foire aux questions qui donne une historique du logo à travers le temps, évidemment. Le sigle des lettres CPD entrelacées, donc Caisse Populaire Desjardins, CPD, a été utilisé... Aujourd'hui, on pourrait pas dire ça, CPD. Non, Je suis pas certaine que ça passerait au conseil. C'est de 1950 à 1960. Ensuite, c'est devenu des armoiries de 1960 à 1977. Après ça, on a fait des modifications un petit peu plus simples. C'est vraiment intéressant comme article. Allez voir sur le site de Desjardins. Donc voilà. Ensuite, on retourne en fait chez Saba Southwest où on a fait des Batmobile super secrète pour Warner Brothers de la part de DC Comics. Ouais. Donc DC Comics qui a amené les bandes dessinées à la vie pour son activation à South by Southwest 2018. Le studio cinématographique et télévisuel a amené plusieurs véhicules des deux films de Batman, de deux films, il n'y en a pas juste deux, ainsi que Justice League de l'an dernier, permettant aux gens qui étaient présents au festival de se rapprocher de ces articles-là. Il faut aller voir la vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com, mais Colin, c'est la Batmobile telle qu'on la connaît d'un des films, je pourrais pas dire lequel, mais quand même, quand même cool. Ensuite, McDonald's, on a déjà parlé, ne vous en faites pas, on va pas ramener le sujet du M qui était viré à l'envers pour faire un W pour la journée de la femme, là, c'est passé. Là, on a McDonald's maintenant qui fait apparaître un arc-en-ciel vert à Chicago pour la Saint-Patrick. Oh, c'est-tu pas cute? Ils sont forts, hein? Ils sont très forts. Ben oui. Pour faire la promotion, bien sûr, de son très iconique Shamrock Shake. On est rendu avec ça au Québec, je sais pas, le fouetté vert. Oui. Ben oui. Bref, on se rappelle, il y a quelques années, Leo Burnett, ça c'est une compagnie de marketing qui avait dompé un gros, gros Shamrock Shake dans la Chicago River, la rivière, pour transformer la rivière en verre pour une célébration irlandaise du 17 mars. Cette année, l'agence de McDonald's We Are Unlimited a fait quelque chose d'autre en travaillant avec l'artiste Andrew Schumann et le studio de production Chicago Scenic pour créer donc un gros arc-en-ciel vert qui est apparu par magie sur Daily Plaza. L'arc-en-ciel nommé Shambo, comme Rainbow, mais Shamrock, on comprend, Shamrock Rainbow. C'est pas Shambao comme le Shamwow, c'est pas ça du tout. C'était fabriqué en utilisant de la vapeur d'eau et de la projection, voilà. C'est apparu à côté donc d'une petite boutique Shamrock Shake Shop où McDonald's donnait des Shamrock Shake gratuitement. C'est quand même assez cute. Par la projection, on a vapeur d'eau et on projette du verre dessus du bon angle pour faire apparaître un arc-en-ciel. Je trouve l'idée vraiment chouette. Ensuite, on bascule de South by Southwest à d'autres choses sans cesse. Je m'excuse de ne pas les avoir regroupées. C'est donc un endroit qu'on a créé au South by Southwest pour pouvoir avoir un endroit très, très silencieux pour complètement éliminer tout ce qui est marketing et autres trucs qu'on avait au South by Southwest. C'est l'application de méditation Room to Breathe qui a permis aux gens de relaxer. Donc évidemment, on sait South by Southwest, où qu'on voit des fois le logo SXSW. Il y a de la musique, il y a des spectacles, il y a des films, plein de choses à aller voir. Et ça peut être un petit peu trop stimulant pour le cerveau de certains. Donc c'est pour ça que l'application Headspace de méditation et de soins de soi-même a créé Room to Breathe, où les gens du festival pouvaient retrouver un petit peu de paix intérieure. Donc, Headspace était supposé être un espace confortable, cozy, à l'intérieur du Fairmont Hotel, où les gens pouvaient venir se trouver une petite station et relaxer. L'application était sur un iPad ou sur un iPhone à chaque station, avec une paire d'écouteurs. Donc, les gens entraient, sortaient quand ils voulaient, ils pouvaient choisir une session de méditation de 3, 5 ou 10 minutes, ou même plus. Donc Headspace qui voulait vous faire relaxer un petit peu pendant des sessions. Il y avait aussi des sessions de groupe le matin et l'après-midi. Ça c'est fun. Ça fonctionne très bien apparemment, les applications de méditation qui sont bien populaires sur les différents App Store. Justement, parlant de South by Southwest, l'illumination du pont Jacques-Cartier, on a déjà entendu parler de ça, a été récompensée. Ah oui? Ouais, Moment Factory et ses partenaires ont été récompensés à la 21e édition du Gala de l'innovation interactive dans le cadre de l'événement South by Southwest à Austin, aux États-Unis. Durant cette cérémonie qui récompensait les projets technologiques les plus innovants dans le monde connecté, 65 étaient finalistes pour remporter un prix dans les 13 catégories du concours. Et l'illumination du pont Jacques-Cartier, réalisée par Moment Factory et ses partenaires, et dirigée par les ponts Jacques-Cartier et Champlain, dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, a été récompensée dans la catégorie « Ville intelligente ». Les partenaires du projet du pont sont Réalisation Montréal, Ambiance, Design, Production, Atomic 3, Éclairage public et ombrage, Lucion Média et Udo Design. Il y avait aussi le projet Continuum de Moment Factory qui était en nomination dans la catégorie Responsive Design. Donc ça, c'est des projets et des designs d'interaction en matière de contenu, d'esthétisme et de fonctionnalité. Stéphane K, société spécialisée en solutions technologiques pour le milieu de la mode, faisait également partie des finalistes dans la catégorie Nouvelle Économie pour sa salle d'essayage virtuelle. Vraiment cool. Et le jury prenait en considération 4 critères, la créativité et l'innovation, ça c'est un critère, oui. La forme, la fonction et l'expérience générale. Maintenant, on parle de censure de la presse, parce que des musiciens et des journalistes ont fait équipe pour lutter contre ça. L'entité allemande de Reporters sans frontières a lancé Uncensored Playlist, une offensive déguisée en liste de lecture qui vise à détourner la censure journalistique dans les pays réprimés. C'était lancé le 12 mars dernier à l'occasion de la Journée mondiale contre la censure sur Internet. L'initiative recourait à la musique comme subterfuge pour envoyer de l'information dans 5 pays sous le dictat de la censure gouvernementale. Donc, le journaliste chinois exilé Chang Ping, la journaliste égyptienne Basma Abdelaziz, les membres du réseau thaïlandais pour le journalisme libre, est-ce qu'ils sont plusieurs, hein? Prakatai, Galima, Barbukwe, et le blogueur de l'Ouzbékistan, c'est Galima Bukerbaeva. Et le blogueur vietnamien Ngoy Buon Gio de The Wind Merchant ont travaillé avec le directeur musical Lucas Mayer pour la société de production numérique Media Monks pour transformer 10 articles déjà censurés en paroles de chansons pop. Okay. La liste de lecture qui est offerte sur Spotify, Apple Music et Deezer sur le mouclic. Le mouclic Truth Finds a Way. Sur les 180 pays répertoriés dans le classement mondial de la liberté de la presse 2017 de Reporters sans frontières, la Chine se trouve au 176e rang, le Vietnam au 175e, l'Ouzbékistan au 169e, l'Égypte au 161e et la Thaïlande au 142e. Uncensored Playlist est accessible dans ces 5 États. Les noms des journalistes ont cependant été modifiés et les titres d'albums et de chansons ont été adaptés afin de contrecarrer la pré-censure, évidemment. L'agence de création DDB Berlin, partenaire de la campagne, explique que cette liste de lecture non censurée démontre aux leaders oppressifs qu'ils ne peuvent réduire à rien du tout la liberté d'information. Plus qu'un effort de collecte de fonds ou de sensibilisation, on utilise un cheval de Troie pour permettre à ces histoires d'atteindre le monde entier. Vraiment une idée absolument géniale. Et justement, tiens, écoutons un extrait d'un de ces articles-là. Vimeo. Vimeo est toujours très difficile en studio avec moi, mais je crois pouvoir la voir si je fais ça comme ça. Est-ce que ça va fonctionner? Je crois que oui. Et c'est parti! La censure dans la presse en ligne est de plus en plus imposante. Fake news, la démocratie meurt dans la noirceur. Le plus grand nombre de journalistes censurés ou emprisonnés. Même dans les pays les plus censurés, la musique en streaming est tout à fait disponible, disent-ils. Donc, on montre l'Apple Music, etc. Donc, Reporters sans frontières allemand a utilisé cet échappatoire, cette entourloupette pour se battre contre la censure avec The Uncensored Playlist. Et là, on montre des images des journalistes. Je veux entendre l'extrait sonore. S'il vous plaît. Ok, voilà. Les articles censurés ont été changés en paroles et envoyés sur les sites de streaming. Viajar para esses países e poder gravar de fato com músicos locais, avec des musiciens locaux, bien sûr, algo pour créer quelque chose qui sonne réel, avec quoi les gens pourraient connecter. E pra gente realizar isso da melhor forma, foi muito importante a gente conseguir se manter muito fiel ao que os artigos... J'avance. Ok. The government has to finally understand that censorship makes no sense. Pour comprendre que la censure n'a aucun sens, j'espère que cette uncensored playlist va rejoindre bien des gens autour du monde. Écoutez l'album sur Spotify et ailleurs. Pourquoi faire cette vidéo-là sans mettre d'extrait de chanson? Mais bon, hein? Au moins leur cause est bonne, tu sais, hein? C'est peut-être parce que c'est pas vraiment bon qu'ils ont mis l'extrait, je sais pas. Peut-être, qui sait. Ensuite, une association qui répond aux accusations de violence dans les jeux vidéo par une belle petite vidéo. Évidemment, la violence dans les jeux qui est un débat éternel auquel une association a décidé de répondre à travers une vidéo. Donc, un débat qui a été relancé récemment, évidemment, par notre bon ami Orange Donald Trump, qui recevait les responsables de l'industrie vidéoludique à la Maison-Blanche dans les dernières semaines. Une vidéo qui avait été diffusée montrant plusieurs passages violents issus de Call of Duty, Fallout 4 et d'autres. Une position peu étonnante d'un gouvernement toujours enclin à accuser l'industrie source de toutes les critiques depuis son invention face aux actes violents qui font l'actualité. Donc, en réponse à cette vidéo, une association a décidé de dévoiler la sienne misant sur la beauté des vidéos. Donc, c'est l'association Games for Change qui a dévoilé cette vidéo-là. Une association qui prône des valeurs humanistes à travers les jeux vidéo. Ils expliquent, je cite, que les jeux vidéo, leurs créateurs inventifs, l'énorme communauté de joueurs ne se résument pas à la vidéo qu'on a montrée à la Maison-Blanche. Comme toute forme d'art, c'est nuancé et propose des expériences de toutes sortes qui peuvent émouvoir, amuser, apprendre les choses et parfois perturber. Donc, allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com avec des extraits, entre autres, de Fortnite, Life is Strange, The Last of Us et Zelda Breath of the Wild, entre autres. On revient au South by Southwest pour célébrer le retour de Roseanne. Est-ce que tu connais la sitcom des années 90, Roseanne? Ça me dit quelque chose. Donc, ABC a recréé le salon de la famille Connor à South by Southwest pour faire la promotion du retour de l'émission qui revient à partir du 27 mars, donc demain soir. Encore une fois, c'était à Austin, oui, au Texas. Oui, oui. Donc, il y avait tout plein de gens qui étaient là et on entendait beaucoup le rire. C'est le rire de Roseanne Barr, qui est la femme au sommet de l'émission Roseanne. C'était utilisé son rire... son rire puissant, mm-hmm, dans le générique de l'émission Roseanne. Et ben ça va être la même chose pour le retour de l'émission à partir du 27 mars. Donc ABC a recréé complètement le salon de l'émission, le divan, et mis le rire en arrière-plan. Donc c'est ça, ils voulaient donner la chance aux gens de vivre l'expérience de Roseanne un petit peu partout à South by Southwest. Bonne idée. Ensuite, LA va avoir son propre musée de la sirène. Ça fait partie d'une campagne de Freeform. C'est une chaîne de télé aux États-Unis. C'est ceux qui diffusaient Pretty Little Liars. Oui. Anciennement ABC Family. Donc, Freeform qui a une campagne pour faire la promotion de sa nouvelle émission qui parle justement de sirènes. Pourquoi okay. pas? Donc, on mélange deux tendances, deux modes sur Internet. Donc, la chaîne câblée Freeform qui a ouvert un Mermaid Museum à Hollywood. C'était gratuit et c'était parfait pour prendre des photos remplies de glitter. Mm-hmm. Donc, il y avait une vraie, entre guillemets, sirène dans un aquarium de 48 000 gallons, plein de coquillages, un mur fait de comment t'appelles ça, des écailles. Ah, voilà. Ouais, OK. Oui. Ainsi qu'une projection sous l'eau à 360 degrés avec une trame sonore d'appel de sirène, donc le cri des sirènes, des illusions optiques pour avoir l'impression de flotter dans l'océan. Tout ça, donc, pour faire la promotion de son émission Siren, qui a été présentée pour la première fois l'an dernier avec un clip qui a réussi à capturer plus de 21 millions de visionnements. Le Mermaid Museum, qui est ouvert depuis le 22 mars, ils ont pu avoir des influenceurs sur YouTube et sur Instagram un petit avant-goût le soir d'avant. Mais quand même, donc ça mélange l'intérêt pour les sirènes, apparemment que c'est quelque chose de connu, et pour les petites boutiques éphémères, donc les endroits comme ça qui pop-up à quelque part et qui ferment quelques jours plus tard. Ça pourrait être quand même bien. La série Siren, qui est sur... l'ancien ABC Family, donc Freeform, ouais, avec possibilité dans ce cas-là de prendre des photos avec la sirène. La Suède qui ouvre le premier centre touristique Klingon de la planète. D'accord. Les fans de Star Trek qui veulent faire connaissance avec le monde Klingon, désormais leur lieu de prédilection, c'est à Stockholm, en Suède, qu'on a ouvert le centre Visit Konos, dédié aux amoureux des Klingons, géré par Turtaturn. Ce centre touristique propose aux visiteurs d'en apprendre davantage sur l'histoire de ce peuple, de faire une visite virtuelle de leur capitale, de découvrir la cuisine Klingon, de s'entraîner à l'art martial Mokbara et bien sûr de perfectionner la langue. Ben oui. Et peut-être même l'accent. Hein? Et pour s'assurer de tout faire dans les règles de l'art, Turtaturn a fait appel à Klingonska Akademien, ça c'est l'Académie Klingon, une société basée à Uppsala, qui étudie la culture et la langue Klingon depuis des années. Ça a ouvert ses portes récemment et ça accueille les amoureux des Klingons du monde entier jusqu'à la fin du mois de mars. Voilà. Il nous en reste deux petits derniers. Continuons avec ça. Pandora, pour l'instant, qui a analysé les données de 10 000 chansons pour créer des clips audio personnalisés, encore une fois au South by Southwest, en utilisant la reconnaissance faciale. Ah. Intéressant. Donc, pour faire sa propre trame sonore personnelle, on peut être influencé par le pop, le country, rap, rock, peu importe. Ça peut être aussi un mélange de plusieurs genres. Et c'est ce que Pandora voulait savoir lors de son activation à South by Southwest. En partenariat avec Tool of North America, Pandora a amené sa technologie du projet Music Genome Project. C'est donc une expérience sur tablette et sur mobile qui utilise la reconnaissance faciale et qui analyse le génome attaché à 10 000 chansons pour créer un clip audio qui te représente juste toi. Ah! Hein? Comment ça fonctionne? C'est que dans l'espace de Pandora, au Gatsby de Austin, des tablettes interactives sont offertes aux clients qui entrent leur nom et leur date de naissance. On pose un paquet de questions sur leur musique préférée et pour chaque question, les gens vont swiper, glisser leurs doigts sur l'écran pour choisir leur chanson préférée. Et ensuite, le site va prendre une photo du client et va utiliser la reconnaissance faciale pour lire l'humeur de la personne et recommander des chansons similaires. Okay. À ton humeur. Donc, quelqu'un qui sourit, par exemple, pourrait se faire servir une pièce un petit peu plus upbeat, alors que quelqu'un qui fait une figure triste pourrait avoir une chanson un petit peu plus déprimante, tu comprends? Donc, la technologie calcule les attributs musicaux basés sur la sélection des chansons pour faire un mélange ensemble de clips audio, ce qui comprend donc des éléments générés de façon unique et des instruments préenregistrés. Donc, le Music Genome Project de Pandora qui a pris 450 attributs musicaux en considération en analysant la musique. Donc, on pourrait entendre un extrait de cette façon de faire unique. Une chanson qui pourrait être unique à une seule personne. Évidemment, ça ne dit pas quelle personne. On voit que c'est un mélange de plusieurs ambiances, plusieurs éléments musicaux et instrumentaux. Très asiatique. Un peu, ouais, quand même. Pas mal. Voilà. C'est bien. Ah, et tiens, tant qu'à parler de musique. Oui. Parlons de dormir sur un matelas Beautyrest avec 150 étrangers. Oh boy! Pour une performance musicale de 8 heures durant. C'est par le compositeur Max Richter, toujours au South by Southwest, c'est vraiment la thématique du moment. La musique qui fait partie de South by Southwest depuis le début du festival en 1987. Des noms légendaires comme Johnny Cash, Will Nelson, les B-52s ont pris la scène du festival de Austin, Texas à travers les années. Et cette année, c'était pas différent, bien sûr. Seulement 150 personnes ont pu vivre cette expérience complète-là avec le compositeur britanno-allemand Max Richter pendant 8 heures. Donc, ça s'appelle Sleep. Hein? Sleep. Donc, minuit 13, Richter a pris la scène du Bass Concert Hall à Austin et pendant les 8 heures qui ont suivi, il a joué ses pièces inspirées de comptines ou de pièces mélodieuses accompagnées d'un band à 5 personnes et d'un vocaliste. Les 3000 sièges étaient complètement vides, sauf pour quelques-uns qui ont eu un badge spécial qui avait le droit d'entrer là pendant une période de 2 heures. Les autres, ceux qu'on a dit tantôt, c'était quoi, 300 je pense? 150 environ. Eux ont pu passer les 8 heures au complet, mais il y avait un petit groupe qui avait le droit à 2 heures. Et les autres n'avaient juste pas le droit, tu comprends? Oui. Donc c'était rempli de 150 matelas Beautyrest avec oreiller Beautyrest, couverture et un masque pour les yeux pour pouvoir dormir pendant que le concert avait lieu. Oh. Vraiment fort. Donc, une performance de Sleep. Ils avaient justement l'opportunité de dormir, d'où le nom, hein, quand même. Et pas en étant assis sur une chaise ou sur un fauteuil de salle de spectacle, mais non sur des matelas entourés de 149 étrangers, ainsi que, bien sûr, des photographes, vidéographes, experts en son, etc., etc. Donc, vraiment cool comme idée de la part de Beauty Rest et du South by Southwest avec notre ami Monsieur Richter. Voilà pour le bloc pub. On a fait les 20. Ben oui. C'est fun d'avoir du temps. Hein? C'est parfait. C'est plus très rare d'avoir du non, temps. Non, c'est ça, exactement. Bref, voilà pour ce bloc. Dans quelques instants, ce sera à ton tour, Tania. Pour Tania is gonna entertain you. De quoi tu nous parles tantôt? D'entreprise. Oh! Et de nouvelle génération. Ah ben c'est génial. Tu vois, tout le monde veut être célèbre soit pour leur propre compagnie ou pour le marketing. Donc c'est très, très approprié d'entendre Super Organism avec Everybody Wants to be Famous à Assemblage Requis. Feeling like a boss and staring at the stars. It doesn't matter the cost, 'cause everybody wants to be famous. I'm calling the shots, so see you over a bar. It doesn't matter the cost, seems like everybody wants to be famous. I think it could be. Be famous, I'm calling the shots. So, see you over at Mars. It doesn't matter the cost. Seems like everybody wants to be famous. I think that you and I could set the world alight. Could we all start tonight? Just need to. Everybody wants you to know the name. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants to get famous. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants you to know the name. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants to be famous. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants you to know the name. Everybody wants and nobody's ashamed. Everybody wants to be famous. Aujourd'hui. On adore ça quand ça fait ça. Oui, ça c'est vraiment le fun. Est-ce que je l'essaie sur une autre fenêtre puis espérer que la première se mette pas à jouer en même temps? Vas-y donc. Ah non, je pense que non. Ah non. Oh, ça va pas bien. Pas facile. Non, ben c'est pas grave, Caroline, qu'est-ce que tu veux, hein? On reviendra, hein? Shoot for the moon. Yamantaka Sonic Titan avec la pièce Someplace à Assemblage Requis. Maintenant, c'est Tania is gonna entertain ya. Ou non. Non, ça sent bien, ça sent bien. Non, j'y fais confiance. Ouais. J'y fais vraiment confiance. Oui. Ça marchait pour le 30 secondes. Oh boy. Ah, ben non. OK. Ouais, désespoir un peu aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est pas nécessairement notre journée pour ça. Ouais, non, je pense pas. Ah, oh! Voilà. Okay. Il fallait juste y laisser le temps, vraiment longtemps. Eh ben, c'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain. On parle de nouvelle génération aujourd'hui, Degrassi, j'imagine, nouvelle génération. Si seulement. Aujourd'hui, je vous parle d'entreprise, je vous parle de travail, je vous parle de nouvelle génération. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans une nouvelle ère en termes de travail, en termes d'entreprise, en termes de comment séduire les entreprises aussi, mais comment séduire la nouvelle génération à envoyer son CV à notre propre entreprise aussi. Donc, vous allez voir, ça va être une chronique en trois volets. Mais on commence tout ça avec comment être recruté. Présentement. Donc, on envoie notre curriculum vitae et comment obtenir une entrevue. Déjà, à la base, tout ça, ça l'a changé. Il y a quelques années, on pouvait aller mener nos curriculum vitae en magasin la plupart du temps. Eh bien, je vous dirais que c'est de plus en plus difficile d'aller porter un curriculum vitae en main propre parce que la plupart du temps, les gens vont vous dire « Ah, vous devez le faire sur Internet. » Ouais, ben oui. Déjà, à la base, sur Internet, on n'a pas ce contact physique-là, ce contact humain aussi à dire bonjour à une personne en lui serrant la main. Donc, on envoie tout simplement notre curriculum vitae et aussi notre lettre de motivation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les dernières années, le curriculum vitae est devenu plus ou moins important et votre lettre de motivation est devenue la chose la plus importante que vous devez remplir. Pourquoi? Bien, c'est simple, c'est parce qu'on utilise maintenant des algorithmes recruteurs ou des robots recruteurs. Ben, voyons donc. Je vous explique qu'est-ce que c'est. Ici même, là, au Québec, il y a une jeune Québécoise qui s'appelle Marie-Ève Bernard, qui est chef du talent chez Diagram, c'est-à-dire une firme canadienne qui est vouée au soutien des entreprises technologiques qui évoluent dans des domaines de l'assurance, des services financiers ou encore des soins en santé. Et elle est elle-même une folle de technologie. Donc, on est passionnés de technologie et on a récemment eu l'idée de recourir à un robot recruteur pour combler un poste. Le choix s'est porté en fait sur Coru, donc un petit robot Coru. Qui fonctionne de façon très très simple. C'est-à-dire qu'on analyse en détail la description du poste à combler. Par la suite, c'est bien évidemment pour en dégager les compétences techniques qui sont exigées, mais aussi le profil psychologique du candidat idéal. Et vous, bien évidemment, jeunes milléniaux, ou du moins vous qui envoyez votre curriculum vitae un peu partout sur Internet, eh bien, sachez que vous êtes un petit peu pris dans tout ça, ne le sachant peut-être pas. C'est-à-dire que le petit robot va analyser en détail le curriculum vitae, mais aussi la lettre de motivation de chacun des candidats, justement pour vérifier si leurs compétences techniques répondent bel et bien aux attentes. Et on va dresser ce qu'on appelle un « big five », c'est-à-dire le profil psychologique. On s'adresse bien évidemment aux palmarès de candidats qui ont envoyé leur curriculum vitae. On essaie de chercher les plus intéressants à l'intérieur de tout ça et les compétences requises d'une personnalité vont devoir ressortir à l'intérieur de la lettre de présentation. Sinon, si on ne le retrouve pas sur le curriculum vitae, c'est un petit peu plus difficile pour vous de vous tracer une place. Donc, on correspond en fait à la culture de l'entreprise. C'est ça que l'entreprise maintenant cherche. Et là, quand je dis l'entreprise avec un L et non pas les entreprises, vous comprendrez que c'est les entreprises au pluriel. Donc, les premiers de la liste devaient être les meilleurs que les robots ont réussi ou l'algorithme a réussi à analyser. C'est que les mots-clés étaient à l'intérieur de votre curriculum vitae ou de votre lettre de motivation. Donc, de sa part, la jeune fille qui a décidé de se tourner vers ce robot-là pour tout simplement combler un poste parce qu'elle n'avait pas elle-même le temps de chercher à l'intérieur de plusieurs curriculum vitae, eh bien, s'est prêtée au jeu. On a joué la game un petit peu, on a fait confiance au robot et on a reçu en entretien les trois premiers de la liste que le robot avait lui-même choisi. Elle dit que ça avait été possible, si ça avait été possible, elle aurait recruté les trois personnes parce que c'était un match parfait. Ah oui. C'est-à-dire que les trois personnes, dans leur curriculum vitae et dans leur lettre de motivation, avaient les mots clics qu'on avait donnés au robot en partant pour, comme étant le match idéal pour le titre ou le poste qui était ouvert. Donc, on ne s'attendait pas nécessairement à un tel résultat, mais de sa part et de la part de plusieurs, on est maintenant convaincu que les robots recruteurs sont aujourd'hui devenus une espèce d'incontournable parce que ça enlève quand même une tâche administrative quand même assez importante à plusieurs personnes. Les robots recruteurs sont de plus en plus utilisés ces temps-ci, sachez-le. Même si les candidats n'ont pas nécessairement conscience de ça, soit qu'on utilise un robot recruteur ou, comme je le disais tout à l'heure, un algorithme sur plusieurs serveurs qui vont chercher, justement, encore une fois, des mots-clics que l'entreprise va avoir déjà préétablis et on va vraiment là, scruter votre curriculum vitae, votre lettre de motivation, à savoir, sur Internet, par exemple, lorsque vous allez déposer, est-ce que vous êtes un candidat idéal et est-ce que vous valez la peine d'être rappelé? Donc, il s'agit, en fait, de trier les curriculums vitae pour retenir ceux qui sont les plus pertinents. Et par la suite, bien question de prédire aussi la performance future des meilleurs candidats, on va vraiment s'attaquer à la lettre de motivation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les robots ou les algorithmes fonctionnent sensiblement de la même façon. C'est-à-dire que la première des tâches, c'est de trier les CV. Et il y a des récentes études qui ont démontré que les personnes qui sont chargées de recruter les gens dans les nouvelles entreprises passent en moyenne 11 secondes pour lire un curriculum vitae. Grand-chose en 11 secondes. Tu lis pas grand-chose. Hein? On a vraiment, on l'a dit, là, c'est 11 secondes, c'est une seconde de plus que 10 secondes. Donc, autrement dit... Là, 4 de moins que 15. Ben, écoute, autrement dit, ça scanne du regard en diagonale, on vérifie certains mots-clés s'ils se trouvent à l'intérieur de votre curriculum vitae, mais après ça, c'est tout. On lit pas nécessairement chaque ligne de votre curriculum vitae, et il faut le dire aujourd'hui, un CV, c'est jamais lu. Ça va être regardé en diagonale. OK. Ce qui va être lu, c'est votre lettre de motivation. Mm-hmm. Et c'est l'intérêt, en fait, de se confier à une tâche qui peut sembler être vraiment très, très longue ou vraiment très, très pénible. Si on n'a pas nécessairement l'art du mot, une lettre de motivation, ça peut s'avérer être quand même assez redondant pour certains. Et je vous dirais qu'il y a quelques années, aller porter un CV n'avait pas nécessairement besoin d'une lettre de motivation parce que tu le faisais en personne. Tu avais cette discussion-là avec quelqu'un qui voulait engager quelqu'un. Alors aujourd'hui, plus les gens doivent mettre leur curriculum vitae sur Internet, mettre leur lettre de motivation, plus c'est rendu important. Le principe est quand même assez simple. C'est un logiciel qui va casser la mise en forme du curriculum vitae et de la lettre de motivation. On va en extraire les mots-clés et ceux qui sont attendus par rapport au poste comblé, eh bien, on va désigner les candidatures les plus intéressantes. Et là, ça va envoyer un signal, en fait, à la personne comme quoi, bon, ben celui-là, c'est un match parfait. Celui-là, c'est un autre match parfait. Lui, pas tant, mais peut-être que tu pourrais le passer en entrevue. Donc, ça permet de faire un premier tri qui va être très efficace, surtout lorsqu'on doit traiter d'un grand nombre de candidatures. Et Google est récemment allé plus loin aussi. On a créé ce qu'on appelle le Cloud Jobs. Donc, ça fait appel à l'intelligence artificielle dans à l'apprentissage profond, donc le Deep Learning en anglais. Et ça met au point un robot recruteur. Donc, Google a scanné des millions et des millions d'annonces d'emploi. On a fait l'évolution de carrière de ceux qui les avaient décrochés. Et ça l'a permis d'établir sa propre recette secrète d'un recrutement réussi. C'est-à-dire qu'on doit impérativement tenir compte un employeur là, pour dénicher la perle rare. Donc, on va aller chercher vraiment des mots-clics qui sont extrêmement importants. Et par la suite, bien, on doit prédire de la part de l'algorithme ou encore de la part du petit robot la performance future de cette personne-là. Mmh. Donc, les nouveaux robots recruteurs vont encore plus loin que simplement lire votre lettre de motivation ou lire votre curriculum vitae. On y va là en deux étapes. Donc, on va proposer aux candidats, une série de questions en lien avec le poste. Et chacun d'eux doivent répondre, soit en se filmant avec un téléphone cellulaire ou parfois ça va être directement sur Internet. Et une fois la vidéo enregistrée ou les données enregistrées, eh bien, les mots choisis, le ton que vous avez donné, soit dans votre vidéo, les micro-gestes, surtout du côté de la vidéo, bien, ça va permettre dans un premier temps d'indiquer à l'employeur les meilleurs candidats en fonction de leur trait professionnel, mais psychologique. Et dans un second temps, eh bien, ça va prédire la performance de chacun pour les premiers mois de l'emploi. Donc, c'est comme si c'était une mise en situation. Vous répondez à ces mises en situation-là et vous êtes analysé de façon psychologique, mais par des algorithmes. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir comment ça l'a changé. Par la suite, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on va devoir mieux rédiger nos curriculum vitae. On va devoir passer beaucoup plus de temps sur la lettre de présentation, la lettre de motivation. Donc, quand vient le temps de rédiger son curriculum vitae de façon autre que ce qu'on a fait depuis les 15 dernières années, par exemple, eh bien, on doit mettre davantage l'accent sur les traits psychologiques qui correspondent à ceux de la culture de l'entreprise visée. Ce qui veut dire que votre curriculum vitae devrait changer selon chaque emploi auquel vous allez appliquer. Comme c'était pas assez compliqué comme ça. Exactement. Et ce qui peut notamment, ça peut devenir un petit peu problématique, là, on s'entend, parce que t'es analysé selon une machine, ouais, selon un algorithme. Donc, vous devez automatiquement faire paraître votre psychologique à l'intérieur de votre curriculum vitae qui est scanné en 10 secondes. Donc, on s'entend. Sinon, ce qui est très important aussi, c'est de maîtriser les médias sociaux. Les entreprises misent de plus en plus là-dessus. C'est devenu impératif d'être non seulement présent sur les médias sociaux, mais il faut être à l'aise dans les différents univers qu'ils composent. Et on se demande souvent pourquoi. Bien, parce que la dernière tendance des robots recruteurs concerne le scan des activités en ligne des candidats. Donc, on va aller faire un tour sur votre différents comptes. Facebook, LinkedIn. Exactement. Peut-être. Le ton utilisé dans les commentaires rédigés en ligne va être analysé. Sachez-le. Et les sujets... Le sarcasme, donc, pour oui, exactement. Uh-huh. Et les sujets qui intéressent le plus le candidat. Donc, on va analyser vos likes, dans le fond, et vos j'aime. Il ne faut pas paniquer non plus avec ça. C'est pas parce qu'un ami Facebook vous a identifié sur une photo où vous étiez, par exemple, en état d'ébriété, que ça va vous empêcher de décrocher un emploi. Les robots recruteurs sont assez intelligents pour ne pas s'arrêter aux photos. On va vraiment analyser tout ce qui est psychologique. Donc, derrière vos commentaires, derrière vos posts, derrière vos j'aime. Et en revanche, bien, c'est sûr qu'il faut être conscient de ce qu'on met sur notre compte Facebook. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on veut cultiver les atouts des gens. Donc, chacun de nous dispose de trois sortes de talents professionnels. Les talents transférables, c'est-à-dire que ceux qui correspondent au savoir-faire de base. Par exemple, maîtriser correctement Outlook, être en mesure de communiquer avec n'importe qui dans le cadre du travail. Donc, c'est les compétences de base que n'importe qui doit avoir pour être fonctionnel au bureau. Par la suite, il y a les talents techniques qui correspondent au savoir-faire requis pour l'emploi qu'on occupe. C'est-à-dire, par exemple, maîtriser à la perfection la toute dernière version d'un logiciel quelconque Office, pour genre. Un programmeur. Ce sont des talents, en fait, qui permettent de briller dans les tâches qu'il faut accomplir au jour le jour dans un nouvel emploi. Et par la suite, on a les talents adaptables, donc ceux qui correspondent au savoir-être. Et ce qui fait, en fait, qu'on a la bonne attitude, les bons comportements dans notre quotidien au travail. Et ce sont les talents qui nous permettent de nous adapter à n'importe quelle situation. Les recruteurs et les algorithmes sont présentement centrés sur les talents adaptables, c'est-à-dire votre savoir-être dans une situation quelconque. Donc, pour être en mesure de séduire les nouveaux robots recruteurs, là, il faut miser sans hésiter sur nos propres atouts, notre véritable force. Essayer de se cultiver sans tarder, donc les talents techniques, les talents adaptables, aller chercher le plus de jus qu'on peut avoir possible pour se distinguer des autres. Et parce que ça va briller, en fait. Ça va briller au niveau des yeux du robot ou au niveau de l'algorithme. Vous allez ressortir gagnant de ces prédispositions-là et vous allez tomber comme étant un match parfait pour les recruteurs, donc qui vont avoir un pop-up, par exemple, comme quoi vous êtes tombé dans la marge de ceux qu'on devrait interviewer. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui chérissent les milléniaux. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites et qui ont été dites dans les derniers temps sur les milléniaux, publicistes, sociologues, psychiatres, employeurs, chasseurs de tendances ou peu importe. Et je pense qu'ils se sont tous prononcés sur les caractéristiques des milléniaux. On le comprend, c'est une génération qui consomme quand même beaucoup. Donc aujourd'hui, on est âgé entre 18 et 34 ans pour les milléniaux. C'est considéré comme étant les plus influents en Amérique du Nord, donc après la génération des baby boomers, bien évidemment. Et dans quelques années, bien, on devrait marteler le pouvoir économique selon les tendances qui se dessinent jusqu'à présent avec les milléniaux. Donc, quoi de mieux pour les connaître que de consulter les noms d'entreprises qu'ils apprécient le plus? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que si on est intéressant aux yeux des milléniaux, il y a beaucoup plus de chances qu'on se fasse aimer, qu'on se fasse recevoir des CV en tant qu'entreprise. Donc, il y a un exercice que le sondage Léger a tout simplement fait dans les derniers temps sur la réputation des entreprises. Et c'est quand même assez intéressant de voir à quel point il y a une différence entre les milléniaux et la population générale. Ça se ressemble quand même beaucoup, mais je vous dirais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes. C'est-à-dire, par exemple, que le top 10 des entreprises les plus admirées, en premier lieu, on a Google dans les deux cas. Okay. Par la suite, dans les deux cas, au deuxième rang, on a des deux côtés le groupe Jean Coutu. Oh, wow! C'est drôle quand même. Par la suite, pour les milléniaux, le troisième rang est occupé par Dollarama. Ah, oui! Oui. Le quatrième rang, Pharmaprix. Le cinquième rang, Microsoft. Le sixième rang, Kijiji. Il engage des gens, hein? Oui. Eh ben. Et le septième rang, le Cirque du Soleil. Le huitième rang, Interact. Le 9e rang, Canadian Tire, et le 10e rang, Visa. Eh ben. Par la suite, si on regarde la population générale, et ça comprend en passant les milléniaux aussi, en premier lieu, on a Google. En deuxième lieu, comme les milléniaux, le groupe Jean Coutu. Par la suite, au 3e rang, on a le Cirque du Soleil. En 4e rang, Canadian Tire. En 5e rang, Dollarama. En 6e rang, Samsung. Hmm? En 7e rang, on a Sony. En 8e rang, on a Interact. Au 9e rang, on a IGA. Et au 10e rang, on a Rona. Donc, ce qu'on réalise, c'est que la population générale a plus tendance à aller faire l'épicerie que les milléniaux et des rénovations. Ah, ben oui. C'est ce qu'il faut en comprendre. Non, mais en comparant les réponses, en fait, de ceux des milléniaux avec les populations générales, on constate que dans 60 % des cas, les 18-34 ans apprécient quand même les mêmes entreprises que l'ensemble de la population, entre autres Google, Jean Coutu, Dollarama, Cirque du Soleil, Canadian Tire. Les seules entreprises à faire partie du top 10, sans faire faire partie du top 10 général, c'est Pharmaprix, Microsoft, Kijiji et Visa. Mm-hmm. Donc, c'est drôle parce qu'on pourrait bien évidemment faire des recherches à savoir pourquoi est-ce que les milléniaux s'intéressent à ça, contrairement à la population générale. Et là, on pourrait voir peut-être certains attraits qui sont vraiment très, très 18-34. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au palmarès des moins aimés, bien, on figure en toute dernière position la bien connue Belle. Ah, pas très surprenant, ça. Ouais. Ouais. La société Belle. Donc, le classement général montre bien que la population dans son ensemble partage la même opinion à l'égard de l'ancien monopole de la téléphonie. Mais quand vient le temps de parler des entreprises, on s'intéresse à des entreprises qui sont beaucoup plus Internet du côté des milléniaux que du côté de la population en général. Et ça fait en sorte que les entreprises ont une plus grande facilité à aller recruter ces milléniaux-là parce qu'on réalise, en fait, qui sont intéressés par nous. Donc, par la suite, d'aller les chercher est beaucoup plus facile que d'aller chercher quelqu'un dans une autre tranche d'âge. Ça fait en sorte que les emplois sont beaucoup plus faciles. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est un petit peu dans une réinvention de l'entreprise présentement. On est un petit peu dans une réinvention aussi de comment recruter. Alors, si vous êtes du genre à faire votre curriculum vitae de la même façon depuis les 15 dernières années, pensez-y. Allez faire un tour. Il y a plusieurs sites Internet, il y a plusieurs blogs qui vous montrent comment mettre à jour votre curriculum vitae, tout simplement pour être un petit peu plus attrayant, parce que si vous réussissez à capter l'attention pendant plus de 11 secondes chez un recruteur, ben, il y a de fortes chances que vous ayez une entrevue par la suite. Donc, les modifications se font beaucoup au visuel, je vous dirais. Ça va ressembler beaucoup plus à une présentation personnelle que tout simplement j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai étudié là. Mm-hmm. C'est très intéressant de voir comment ça fonctionne. C'est intéressant de voir aussi qu'on dépend beaucoup de ces algorithmes-là maintenant, même quand vient le temps de chercher un emploi. Donc, faites attention. Si vous ne passez pas nécessairement beaucoup de temps sur la lettre de motivation, eh bien, là, ça le témoigne. On doit passer beaucoup plus de temps sur les lettres de motivation que les curriculum vitae. Donc, c'est un petit peu l'inverse que ce qu'on faisait dans le temps. Donc, il y a un changement à ce niveau-là. Les gens veulent savoir comment vous êtes, vous, personnellement, au lieu de savoir qu'est-ce que vous êtes capable d'accomplir avant même de le faire. Ouais. Et j'imagine que les services de constitution de CV qu'on retrouve ont dû, j'imagine, s'adapter à cette nouvelle façon de faire-là. Définitivement. Mm-hmm. Si on regarde ici, bien, on a le service aux étudiants qui est spécialisé aussi dans l'art de vous aider avec votre curriculum vitae. Donc, eux aussi ont dû repasser par une formation là, de devoir faire un autre curriculum vitae. Ça l'a changé dans les dernières années. Allez regarder ça. Peut-être que ça pourrait être très intéressant pour vous. Et respecter les robots. Oui. Aussi. Merci, oui. Tania Baudin. Ça fait plaisir. Une vraie pro qui ne se laisse pas déconcentrer par les matériaux désuets de notre studio. On écoute une pièce de Hibou Hibou, mais une nouvelle par contre. Habituellement, on écoute Couleur des faces. Maintenant, on écoute Accroche-toi. Ouh. Assemble à Rocky. aujourd'hui. Maintenant, l'assemblage requis accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oh oui. Mm-hmm. Dans quelques instants, on va continuer la dernière portion de l'émission avec pas mal de musique, finalement. Oui. Hein? Mais avant ça, on va aller se renseigner un petit peu. Ça fait un petit bout qu'on l'a pas fait, en fait. J'ai aucune idée de ce qui se passe depuis comme un mois et quelques, je pense. J'ai l'impression, en tout cas. Donc, avec le Faux Campus. Voici maintenant l'Info Campus, présenté par le journal Zone Campus. Du 26 mars 23h45 jusqu'au 29 mars 23h45, il sera possible de voter en ligne pour élire les officiers de l'AGE UQTR. Pour accéder au vote, il faut aller à la page d'accueil de votre portail étudiant et cliquer sur le lien affiché. Vous souhaitez avoir la chance de gagner l'un des deux certificats cadeaux de 50$ de la Coop School de l'UQTR? Pour ce faire, il faut répondre au questionnaire en ligne organisé par le groupe Partenariat économique Mauricie-Rive-Sud. Et le but de ce questionnaire est de mettre sur pied un plan d'action pour faire augmenter la fréquentation des arts et de la culture chez les étudiants de l'UQTR. Pour répondre au questionnaire, il faut googler SurveyMonkey, la fréquentation des arts et de la culture des étudiants de l'UQTR. L'École internationale de français offre gratuitement des ateliers linguistiques pour toute la communauté universitaire. Les bénéficiaires de ces ateliers peuvent apprendre l'anglais. Les cours sont offerts les mardis entre 15h30 et 18h30 et les mercredis entre midi et 15h. Pour les gens intéressés, il faut s'inscrire au 819-376-5011, poste 34-81. Les 16 et 17 mars dernier, l'équipe de volleyball des Patriotes a remporté le tournoi provincial de Division 2 qui s'est déroulé à l'École de technologie supérieure de Montréal. Félicitations aux athlètes pour cette victoire. C'était votre capsule Info Campus. Pour d'autres nouvelles, lisez Zone Campus et visitez zonecampus.ca. La capsule Info Campus qui est écrite par David Ferron, le chef de pupitre du Zone Campus, lui par Tania Baudin. Mm-hmm. C'est terminé en parlant de la victoire du volleyball. Ouais. Mais Colin, qu'on a eu un échec du côté du soccer. T'étais là, hein, Mathieu? Ouais, j'étais là et on va en reparler, j'imagine, avec Marc-Olivier Dumas demain dans sa chronique Sport et Filoché. Mais ça s'est terminé en cul de position. Non seulement avec l'équipe de, on va se le dire, de Baveux. Ouais, de l'Université ouais. Laval, qui ont envoyé promener des gens dans la foule, littéralement, avec des fingers puis des bras dans les airs. Non seulement ça, mais en plus, la collection Internet du Centre sportif Complexe sportif Alphonse Desjardins a lâché. On n'a pas pu diffuser les, je crois, 20 dernières minutes de l'émission, du match. Donc, ça ressemble étrangement à la fin de l'émission d'Assemblage requis aujourd'hui, où l'ordinateur ne veut absolument pas collaborer. Donc, tu vois que peu importe où nous sommes, les problèmes suivent. Les problèmes suivent. C'est fou, hein? C'est la loi de Moore, je pense, c'est ça? C'est terrible. C'est ça. Bref, donc on va écouter surtout de la musique pour le dernier bloc de l'émission, le dernier segment. On commence avec Crow Eats Man. Voici la pièce Jaded tout de suite à Assemblage Rookie. Feel this now, you are me in your past. What did you do today? What did you do today? What did you do too? like I can make it. Sons avec Make It Real. Un assemblage requis. Et Colin, c'est sur cette queue de poisson totale qu'on termine l'assemblage requis pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute quand même. On a eu du plaisir pour les trois quarts de l'émission. Ça a bien été quand même, ça. Ben oui, certainement. Pas merci à Pas Marc Gagné qui. Ben non, hein, parce qu'il n'est pas venu. C'est pas grave, on l'aime quand même. Ben oui. Ben oui, écoutez-le. Hein, l'émission, c'est dans ta face les mardis après-midi. Exactement. Sinon, ben merci Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça fait plaisir. Demain matin, normalement, si tout va bien, c'est demain que ça se passe, le retour de Justine Renaud pour sa collègue Justine Pertine. On a si hâte de la retrouver. Ensuite, à 8h, Sport et Filoché avec Marc-Olivier Dumas. À 8h30, Voix d'Afrique avec Dominique Nodemavogo. Et à 9h, ce sera Gauche à mes vues avec Jimmy Thibaudeau, donc critique de la gauche un petit peu. C'est demain entre 7h et 10h sur nos ondes des reprises, on se le dit. Donc, c'est dans ta face, est à midi, et Rock Classique à 13h, en direct. C'est rare, donc profitez-en. Rock de Neuron à 20h, c'est point CA. Et puis assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On se quitte avec une pièce de Foisy. Oui. C'est Chisasibi. Chisasibi. Puis à demain à 7h. Hey, bon café tout le monde. Ça va aller mieux demain. Bye. Thank you.